de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux juifs en moi de travailler à la rédemption du reste des humains. Petit coup de l'âme de l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 22. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Nous avons une nouvelle adresse email, temporaire ou non, nous allons voir. C'est dempart, D-E-M-P-A-R-T, 2, comme le chiffre 2, @dnmx.org. Je répète, dempart, 2, @dnmx.org. Comment dirais-je ? Nous avons un nouveau nom de domaine également. On est en dempart.buzz, donc dempart, D-E-M-P-A-R-T, .B-U-Z-Z, .B-U-Z-Z. Donc, en fait, et maintenant, les juifs agissent différemment et ils s'en prennent aux détenteurs des noms de domaine. Donc jusqu'à présent, c'était uniquement sur les DNS en France, donc ils censuraient à l'entrée en France. Maintenant, ils changent un peu de tactique. C'est essentiellement par désespoir, hein, faut pas se mentir. Mais ce qui peut expliquer pourquoi vous avez des petits soucis à retrouver le nom de domaine, mais on travaille dessus pour trouver une solution. On devrait pouvoir bricoler quelque chose. Vous savez que de toute façon, nous recommandons très vivement à nos lecteurs réguliers d'utiliser le navigateur Brave, et qui intègre la possibilité d'ouvrir une fenêtre sur le réseau Tor, et il ne vous reste qu'à copier-coller l'oignon du site, c'est-à-dire l'adresse Tor du site, dans la barre de cette page Tor que vous pouvez ouvrir dans Brave. Tout est expliqué sur le site à droite, comment se connecter au site via Brave et Tor. Vous pouvez aussi tout simplement télécharger le navigateur Brave gratuitement en ligne. Vous allez sur Tor, vous tapez Tor, T-O-R, vous allez télécharger là-bas le navigateur et vous n'avez qu'à copier-coller l'adresse du site dans le navigateur Tor. Bon, si vous voulez un navigateur qui est plus polyvalent, je veux dire un navigateur, vous pouvez, effectivement avec Brave, avoir un navigateur normal, et donc, parce que le navigateur Tor, en fait, est beaucoup plus restrictif pour des raisons de sécurité, donc il y a des pages qu'il ne va pas ouvrir, par exemple, c'est vrai que le navigateur Brave est en fait beaucoup plus normal si on veut. Donc si vous voulez une solution tout en un, c'est vrai que Brave est plus indiqué et donc vous suivez la procédure que j'ai dite. Donc ça, c'est pour vous éviter des ennuis. Mais c'est vrai que si vous êtes sur VPN, ça change rien, parce que comme en ce moment, ce sont plutôt les noms de domaine qui sont séquestrés en fait carrément sur ordre des juifs au niveau mondial. Peu importe que vous ayez un VPN ou pas, vous n'allez pas accéder en fait à l'URL qui a été séquestrée. Donc c'est un type d'attaque différente de la part des juifs. On en a eu des identiques par le passé, hein. C'est déjà arrivé que nos domaines se fassent séquestrer de cette façon-là. Donc ils essayent un truc, ils essayent un autre truc. Voilà. Donc ça, c'est cette chose-là. On va trouver une solution autour de ça, de toute façon. Et alors pour ELB, les choses se précisent. Je sais que ça a été long. Mais on va normalement prochainement tenter une remise en ligne. Parce que en fait c'est un petit peu la même histoire en fait, hein. C'est les noms de domaine qui sont séquestrés ou interdits. Donc évidemment les juifs essayent à tout prix de faire interdire tout ce qui est lié de près ou de loin au site. Et c'est vrai que le site est le site ou le forum sont très sont vraiment l'objet de la colère des juifs. Donc ça devrait pouvoir se débloquer prochainement. Puisque on a trouvé a priori une solution, mais on va voir comment ça évolue, puisque il faut s'adapter en permanence aux attaques de nos ennemis. Alors, vous savez, vous connaissez ce projet de réseau social alternatif sur Tor, décentralisé, c'est Idantia. Ça fait un peu le lien avec la censure que l'on subit, et aussi avec l'entrée au mois d'août en vigueur des mesures de censure en direct des réseaux sociaux décrétées par l'Union européenne et notamment Thierry Breton. Évidemment, la demande des autorités françaises, c'est-à-dire des juifs, puisque c'est en fait le pendant de la loi Avia qui avait échoué face au Conseil constitutionnel en France en 2019-2020. Donc voilà, ça passe pas par la porte, ça arrive par la fenêtre de Bruxelles. Mais c'est bien un produit franco-français, ou plus exactement franco-juif. Et alors, bon, vous avez vu que, je pense que il faut le souligner, les autorités françaises ont eu très peur lors des émeutes raciales de voir les vidéos de cette réalité des émeutes raciales circuler sur tous les réseaux sociaux et être visionnées des millions et des millions et des millions de fois, c'est-à-dire que le public français a pu être informé en temps réel de ce qu'il se passait sur le terrain. En 2005, ça n'était pas le cas. Les Français étaient largement tributaires des médias pyramidaux pour s'informer, typiquement la télévision, un peu la radio. Donc le bilan, le type d'attaque, la nature et l'identité des protagonistes, etc., le système pouvait encore les dissimuler. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est virtuellement impossible de dissimuler les acteurs, et ça fait très très peur, évidemment, aux autorités, parce que les gens tirent des conclusions, hein. Ils sont peut-être lents à la détente, mais ils constatent quand même certaines choses. Donc, ces émeutes encouragent, évidemment, les autorités françaises et le commissaire européen français Thierry Breton a accéléré le rythme de la censure. Donc j'en reviens au réseau social Idantia sur Tor, qui va devenir la seule alternative crédible, d'accord ? Alors il y a d'autres réseaux sociaux comme Gab, mais ce sont des réseaux sociaux centralisés, j'insiste, et qui ne sont pas à l'abri de requêtes judiciaires et aussi, soulignons-le, d'interdiction sur le territoire français. Donc, parce qu'il y a des serveurs centralisés, parce que c'est une entreprise aux États-Unis, etc., donc elle n'est pas complètement hors d'atteinte, dira-t-on. Alors que Idantia, si ce réseau social voit le jour, c'est un projet à l'heure actuelle, on ne peut pas l'arrêter. Hein. C'est décentralisé, d'accord ? Donc il n'y a pas de serveur central, ça n'est pas une entreprise, d'accord ? Il fonctionnera de lui-même et il sera chiffré de bout en bout. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu le cauchemar des juifs de voir ce réseau social voir le jour. Donc j'invite tous les mécènes, tous ceux qui ont des moyens financiers à faire la différence et à investir dans ce réseau social. Nous ne sommes pas à l'initiative de ce réseau, je l'ai dit à plusieurs reprises, donc on n'est pas directement bénéficiaire évidemment du réseau en tant que tel, mais comme futur potentiel usager, nous le sommes évidemment, et vous l'êtes aussi. Donc je vous invite à regarder le projet, il est présenté à droite sur le site, vous pouvez regarder la fiche technique sur le GitHub, tout est expliqué, tout est transparent, hein. Je veux dire, il n'y a pas de zone d'ombre, hein, dans ce projet, hein. Vous pouvez le voir d'ailleurs avancer techniquement au fur et à mesure, aidez leur équipe, financez-les, même si c'est 10 euros, 20 euros, ça sera toujours ça de gagner. Voilà. Après ces présentations préliminaires, je vais maintenant introduire nos participants de la semaine en ce cœur de l'été. Je vais commencer avec Nogaret qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. J'espère que tu vas bien, Nogaret. Gandalf, je vais bien. J'espère qu'il en est de même pour toi, Jean, et les auditeurs. Et est aussi avec nous Jean Bureau. Bonjour à tous. Je vais maintenant remercier nos donateurs, car vous le savez, et surtout en ces moments de censure, ce sont les donateurs qui font toute la différence. Nous sommes financés exclusivement par nos lecteurs et nos auditeurs, aussi les usagers du forum qui veulent nous soutenir. Enfin, quand le forum est en ligne, malheureusement, il est suspendu depuis 2 mois. Peut-être un peu plus même, mais tout ce qu'on fait, c'est grâce au mécénat, hein. On ne peut fonctionner que de cette manière-là, une situation quand même situation de relative clandestinité, uniquement par Monero, hein, la crypto-monnaie. Donc je vous invite à nous soutenir, je remercie tous ceux qui le font anonymement de manière régulière, parce que c'est ce qui fait qu'on est encore présent. Et là, justement, en ce moment où vraiment il y a un effort renouvelé pour essayer de nous faire disparaître du web, n'hésitez pas à nous soutenir. Alors, premier message d'un donateur, c'est Tortue Têtu. Bon, bah, c'est un mécène régulier. Cher démocrate, j'ai le plaisir de vous envoyer un Monero pour le mois de juillet et un Monero pour le mois d'août. En vacances, je continuerai bien sûr à lire Démocratie Participative pour me divertir, mais surtout pour m'instruire, nous dit Tortue Têtu. DP, c'est une université. La dernière université élitiste de France. Alors, au moins sur la question juive, je pense, oui, qu'effectivement, on fait travail de pédagogie. On peut au moins nous reconnaître ça. Longue vie à toute l'équipe. Tortue Têtu, merci Tortue, merci à toi. Fait partie du club des donateurs à un Monero, hein, si vous ne connaissez pas. Don numéro 2. C'est Doc qui nous écrit ceci. Bonjour à vous. Je viens de vous envoyer 0,47 Monero pour le mois de juillet. Je n'ai pas pu donner le mois dernier car, comme beaucoup, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que Binance n'autorise désormais plus d'acquérir des Monero et autres cryptos basés sur l'anonymat. J'ai donc dû migrer vers Kraken et j'invite tous les démocrates à faire de même. Mais que se passerait-il si ce site prenait lui aussi cette décision ? Avez-vous un plan B ? Concernant Vincent, cela m'attriste de voir la juiverie internationale se délecter du décalage constant de la date de ses procès. J'ose espérer que le système de justice écossais possède une loi qui ferait en sorte de stopper le report de ses procès indéfiniment. Racialement vôtre et c'est signé Doc. Alors, deux choses. Oui, il y a des alternatives à Kraken. Mais on en parlera le moment venu si jamais le souci se pose. Mais oui, il y a tout à fait moyen de contourner Kraken et d'accéder à des Monero. C'est tout à fait possible. Ne vous en faites pas. Ça n'est pas un souci. Donc voilà, mais Binance, ils ont des soucis, je pense, au niveau des régulateurs américains, notamment. Et voilà, je pense que c'est lié à ça. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté de proposer des Monero. Donc oui, reportez-vous sur Kraken pour en acquérir. Hein, n'oubliez jamais de pas nous envoyer directement des Monero depuis votre wallet Kraken, mais bien de passer par votre wallet MyMonero. Il y en a d'autres, il y a d'autres wallets Monero, mais bon, voilà. Et ensuite, de l'envoyer depuis votre wallet personnel vers notre adresse, d'accord ? Donc, vous achetez des Monero sur Kraken, vous envoyez vos Monero sur votre portefeuille personnel, et de votre portefeuille personnel, présent sur votre PC ou sur votre smartphone, vous l'envoyez vers notre adresse de portefeuille, ok ? Donc, pas directement depuis Kraken, je le précise quand même. Pour une sécurité maximale. Alors, pour Vincent, oui, arrêtons-nous sur cette évolution récente. Donc, il devait être auditionné au mois de juillet, après un énième report, parce que ça devait avoir lieu au mois de juin, etc. etc. Et ça a encore été reporté. Donc là, cette fois-ci, c'est au mois d'octobre. Et d'ailleurs, ses avocats ont interrogé les juges pour savoir s'il était censé comme ça rester indéfiniment derrière les barreaux. Bon, cette bonne guerre de demander, mais bon, faut pas trop se faire d'illusions, évidemment. Vincent va rester derrière les barreaux jusqu'à cette date. Donc du coup, vous pouvez continuer à lui écrire. Il y a l'adresse à laquelle on peut le trouver en Écosse, enfin l'adresse de sa cellule, en fait, en Écosse, sur, pareil, à droite du site, hein, dempart.buzz, B-U-Z-Z. Alors, envoyez-lui de la lecture, il apprécie particulièrement, de tout, franchement, vous pouvez, des œuvres de fiction, des bandes dessinées ou autres, vraiment, n'hésitez pas à être original, c'est pas du tout un souci, et où vous pouvez tout simplement lui envoyer un courrier personnel d'encouragement, ça lui fera très plaisir, parce que en prison, somme toute, à part, bon, il a des activités en prison, bien sûr, mais c'est quand même bien de pouvoir, échanger un petit peu avec l'extérieur. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un courrier. Vous n'êtes pas obligé de signer de votre nom votre courrier. Hein. Vous pouvez l'envoyer anonymement, hein, avec un pseudo et sans mettre votre nom ou votre adresse personnelle au dos de la lettre. Si jamais vous n'avez pas envie, si vous voulez, de laisser de traces en tant que sympathisant de Vincent Renoir, ça peut arriver, je veux dire. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez simplement envoyer la lettre à l'adresse de la prison, signé anonymement, comment dirais-je, sous pseudonyme, votre courrier, Vincent ne vous en voudra évidemment pas, hein, ça pose pas de problème. Donc voilà, peut-être Jean ou Nogaret sur ce nouveau développement, enfin bon, qui est répétitif à force, parce que ça fait quand même depuis le mois de novembre que c'est la même histoire. Au départ, hein, je vous rappelle qu'il devait être, l'audition devait avoir lieu au mois de décembre. Hein. Donc. Mais là, le report, c'est à nouveau parce que ses avocats ont demandé de continuer l'instruction du dossier, en fait. C'était pour rapport aux éléments à verser au dossier. Ils avaient demandé une traduction. Je crois qu'ils ont abandonné l'idée de... Je ne connais pas exactement les détails. Mais bon, je ne suis pas suffisamment au courant, en fait, de la partie technique du dossier pour répondre. Donc je suis un petit peu comme tout le monde à ce niveau-là, hein. Je suis tributaire de ce que veut bien nous dire la presse écossaise. Mais a priori, c'est voilà, l'avocat a dit qu'il ne souhaitait pas faire traduire un élément qu'il voulait faire traduire avant. Donc je ne sais pas, je ne peux pas te répondre, hein, en tout cas à ce stade. D'accord, bon. De toute façon, je pense qu'il est peut-être pas plus mal en prison, dans le sens où au moins sa sécurité est plus ou moins assurée là-bas. Après, c'est sûr qu'on aimerait bien le voir libre et le voir contribuer ici, mais je sais pas, j'ai des doutes sur sa capacité à mener une vie plus ou moins normale en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, même s'il était libéré, donc... je me demande si c'est pas une tactique quelque part de leur côté, Vincent et ses avocats, de repousser l'échéance, puisque même si les conditions de détention, enfin la détention est jamais agréable, les conditions de détention ne sont pas si mauvaises que ça, visiblement, de ce que j'ai pu lire de la plume de Vincent. Donc, bon courage à lui en tout cas. Ben, les conditions seraient certainement pires en France, je pense. Ça, oui. Ça, y a pas de doute. Bah ouais, ne serait-ce que par la qualité des hôtes. Mais non, c'est assez ordonné, c'est assez calme. Ouais. Il nous en parlera, quand il sera libéré, il nous en parlera lui-même de vive voix, ça sera certainement très intéressant. À n'en pas douter. En tout cas, on pense évidemment à Vincent. Et voilà. Alors, j'enchaîne avec les bilans des actions, puisque les démocrates ne dorment pas. Hein. Ils se mobilisent. Donc, les unités de propagande autonomes continuent leur travail. Je les salue. On avait eu celle de Mulhouse, si vous en rappelez, qui avait fait hurler Mélenchon himself. Donc, amical salut aux camarades de Mulhouse, ou de la région, parce que je ne sais pas exactement d'où ils sont, hein, mais ils se reconnaîtront. Là, nous avons des camarades de Normandie qui se sont illustrés dans la commune de Canteleu, qui est un bled en marge de Rouen, complètement remplacé, en fait. C'est sinistré racialement comme il faut, hein, Canteleu. Donc je vous lis actu.fr qui nous fait un petit topo là-dessus. Donc les journalistes de gauche, c'est la même chose. Hein. C'est comme prof de gauche, c'est pareil. C'est des pléonasmes. Pléonasmes, pardon. Stupéfaction chez les habitants de Canteleu en Seine-Maritime, près de Rouen. Selon nos informations, certains habitants ont découvert le mercredi 12 juillet 2023 des tracts nazis dans leur boîte aux lettres. C'est notamment le cas d'un résident qui nous a alertés. Il note notamment la présence de croix gammées sur les dits tracts. Ils ont été distribués mercredi matin, détaille-t-il. Dans ce tract, il est fait référence aux juifs, à l'immigration, aux LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi et transgenres, au rétablissement de la domination de la race blanche en Europe. Un lien vers un site internet est également inscrit, ainsi qu'un QR code. On retrouve sur ce site le même tract, publié le 12 mai dernier. En fait, c'est une version différente, mais c'est pas grave. L'habitant qui réside dans le secteur de l'avenue Georges Gounod et Georges Bizet fait savoir qu'il a alerté la mairie. C'est choquant. La mairie m'a demandé une photo du tract, on m'a informé que les services concernés ont été alertés. Il précise que certains voisins ont reçu les mêmes tracts. Contacté, la mairie de Canteleu confirme qu'un signalement a bien été reçu. Nous avons en effet eu l'alerte d'un administré par email. Détaille Baptiste Boutelan, directeur général des services. Il note également un second signalement provenant d'une capture d'un groupe Facebook en lien avec la ville. Une barre d'immeubles dans le secteur est concernée. Il s'agit de boîtes aux lettres accessibles depuis l'espace public, précise-t-il Baptiste Boutelan, je ne sais pas. Espère par ailleurs que la vidéosurveillance présente sur certains immeubles permettra de retrouver l'auteur de la distribution. Les services de police ont été alertés, mis au courant. Mélanie Boulanger, la maire de Canteleu, veut prendre cette affaire au sérieux, dixit. La ville pense ainsi à déposer une plainte. Cette affaire n'est pas sans rappeler d'autres survenues en juin dernier et en divers endroits de France. Cela a été le cas notamment à Lanneulville-Champdoiselle, toujours en Normandie. Hein. Dans la même période, des élus de Rouen ont également reçu des tracts antisémites, mais on pourrait en citer. Hein, donc dans le Jura, bien évidemment, j'ai cité Mulhouse, la Côte d'Or, hein, dans la région de Dijon, et nous allons voir dans d'autres secteurs encore. Donc bravo, hein, bravo à ces partisans de l'ombre qui défraient la chronique. Alors ça a beaucoup fait parler, hein, bien au-delà de la Normandie, encore une fois. Ces tracts sont formidablement efficaces, hein, ça terrorise en fait les ordures de gauche, les ordures mélenchonistes, pour ne pas parler des halogènes aussi, qui sont très mal à l'aise. Alors à Canteleu, il y en a beaucoup, et je regardais sur Twitter les réactions, n'est-ce pas, de nos oiseaux exotiques, et ça les met mal à l'aise, hein. ils aiment pas trop le principe en fait, d'hommes blancs qui veulent se... réapproprier l'espace public. C'est quelque chose qui les met très mal à l'aise. Ils sont très à l'aise avec les bougnoules et les nègres qui crament tout, ok, pas de souci. Mais moins avec des blancs qui s'expriment, en fait. Ça les gêne. Voilà. Donc ça, c'est la première action. Bravo, évidemment, à nos camarades de l'unité Viking 2. Ok. Et ensuite, nous nous reportons maintenant en Bretagne. Ça, c'est le journal Le Télégramme. Qui nous dit ceci, lettre noire sur fond blanc, plusieurs croix gammées, un appel suprémaciste, ainsi qu'un message antisémite, xénophobe et homophobe. Des tracts néo-nazis ont été déposés dans plusieurs boîtes aux lettres de Plaisidie, dans les Côtes d'Armor, près de Guingamp. C'est le collectif de vigilance antifasciste des Côtes d'Armor, donc le CVA 22, qui a alerté sur le sujet, postant sur sa page Facebook une photo du tract transmise par un habitant de la commune de début juillet. Même si on ne publie pas forcément tout ce qu'on reçoit pour ne pas faire de pub, là, on a décidé de le faire pour que les gens sachent ce qu'il se passe, avance un des membres du comité donc de vigilance antifasciste 22. Donc en fait, les crasseux marxistes locaux. Quand je dis crasseux, c'est vraiment des crasseux. Ça, c'est vraiment c'est des punks 8-6, quoi. Hein. Ok, c'est vraiment ça, hein, ce groupe-là. Hein. Alors, sur place, nous avons pu consulter le même tract que celui déposé par le collectif reçu par une plaisidienne. Ça me révolte, ce genre de truc. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver ici. Je ne comprends pas qu'ils arrivent encore à mettre des croix gammées aujourd'hui, glisse-t-elle. Contacté, le maire Guy Gauthier confirme ses dépôts dans beaucoup de boîtes aux lettres qui dateraient, selon lui, du 24 juin dernier. Donc, il y a un petit temps de latence. Bravo quand même à l'unité de propagande, donc bretonne, baptisé Ogmios. Hein, vous savez, c'est le dieu de la rhétorique et de la magie verbale chez les Celtes. Se disant conscient de la gravité des faits, il avance avoir aussitôt prévenu la gendarmerie. J'ai évoqué le sujet lors d'une réunion du conseil municipal et tout le monde condamne, même si ce n'est pas non plus justifiable ailleurs, dans les petites communes c'est généralement plus calme. On s'interroge beaucoup, ça fait un peu peur. Également contracté, Gilbert Burlot, maire de 120-le-Hard, commune limitrophe, confirme lui aussi des dépôts dans beaucoup de boîtes aux lettres du bourg. Donc en fait, il y a deux communes qui ont été ciblées. Mais aussi d'un lieu dit il y a quelques semaines. Donc encore un autre site. Ils sont très actifs. Il faut pas multiplier trop les actions dans le même espace. Faut espacer, hein, messieurs. De son côté, la gendarmerie de Guingamp, ça ne s'invente pas, confirme l'effet de Plaisidie, précisant que c'est une résidente de la commune qui a apporté le tract aux militaires et a déposé plainte. Alors là, j'aime autant vous dire que c'est une énorme truie mélenchoniste. Alors ça, c'est clair, c'est signé, c'est marqué sur sa tronche, et je peux déjà vous dire qu'elle est en surpoids. Soit elle est obèse, d'accord, soit elle est obèse, ancienne de l'éducation nationale, ou alors ultra tabagique, gaulée comme un clou, voyez, et au rosé le matin à 7h30. Voilà, à peu près, je vous ai donné le profil. L'origine de la distribution plaisidienne n'a pas encore pu être déterminée, mais une enquête est en cours, menée par la brigade guingampaise, en avant Guingamp, qui évoque donc un phénomène à caractère national. Voilà, ça prend de l'ampleur. Un tractage d'ampleur avait été mené en mai en Seine-Maritime, et Jean-Paul Vermeaux, maire de Morlaix, avait début juin dénoncé l'envoi de tracts par mail dans plusieurs mairies du Finistère. Oui, c'est vrai, voilà. Ça c'était le télégramme. Alors, bravo évidemment à l'unité de propagande autonome Ogmios pour son action d'éclat qui, en fait, fait trembler les rouges sous leur lit. C'est très bien, c'est excellent. Bravo, bravo à vous, bravo à nos camarades de Normandie, bravo à nos camarades d'Alsace, bravo à nos camarades de Grande-Bourgogne, bravo aussi à nos camarades Picard qui avaient mené une action similaire. Multiplier ces actions, ça sème l'effroi chez l'ennemi, ça génère le débat public sur cette question raciale, et surtout, qui est derrière ces assauts raciaux permanents? Vous savez très bien de qui il s'agit. Le juif, bien sûr. Alors, brièvement, peut-être Jean ou Nogaret, est-ce que vous avez quelque chose... Enfin, ça n'appelle pas de commentaires particuliers. Hein. Je trouve que voilà, les articles relatent bien les faits. La propagande, ça fonctionne. La propagande physique, ça fonctionne. Moyennant le respect scrupuleux de toutes les consignes de sécurité qui sont citées sur le site. Hein. Ne prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît. Appliquez-les à la lettre, messieurs. La bête est enragée. La bête sait que la fin est proche, elle devient d'autant plus féroce. Hein. Vous connaissez ça, hein. Une bête blessée, c'est dangereux. Jean Nogaret. Eh bien, moi, j'aurais simplement à dire sur Canteleu, parce que j'ai regardé un petit peu aussi, il s'avère qu'effectivement, c'est très, très, très remplacé. Donc voilà, pour reprendre ce que tu disais, oui, ils ont peur quand des blancs sont un peu plus déterminés que les autres à chasser toute la pluie. Et j'ajouterais d'ailleurs, en me renseignant, que le maire Mélanie Boulanger, eh bien Mélanie Boulanger est accusée de participer au trafic de drogue de la ville. Donc voilà, c'est une socialo en fait. C'est ça, exactement. Si tu peux expliquer peut-être brièvement, parce que peut-être les gens ne savent pas cette histoire, ne connaissent pas l'histoire. De mémoire, en fait, elle a été interpellée dans le cadre, justement, d'un trafic de drogue, comme quoi la mairie aurait... Le maire aurait participé à ce trafic de drogue d'une manière ou d'une autre. Alors je sais plus exactement et je sais pas où ça en est. Tout ce que je sais, c'est que dans notre affaire, on sait que les flics, quand ils commencent à interpeller des politiques, surtout des politiques qui sont dans l'arc républicain, comme ils disent, c'est qu'il y a quand même du contenu, parce que la justice ne donne pas son accord comme ça avant de publier ce genre de choses. Oui, c'est assez caricatural, en fait, des rapports entre ces mairies, ces communes, et les narcotrafiquants afro-maghrébins, qui maintenant ont tissé leur toile sur tout le territoire français. dans les grandes villes, évidemment, dans les villes moyennes et maintenant dans les petites villes, et qui tiennent des quartiers entiers. Si vous avez suivi récemment l'actualité à Nice, dans le quartier des Liserons, vous savez, il y a eu un épisode tragicomique qui a été d'ailleurs relaté sur le site de Démocratie Participative cette semaine. Pas que nous, hein, bien entendu, mais je veux dire, on en a parlé aussi. Et BFM en a parlé d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ça n'a pas du tout été mis sous le boisseau. Et ce qui a défrayé un peu la chronique, c'est que les narcotrafiquants avaient organisé une fête de l'Aïd gratuite pour les habitants. Alors, il y avait des jeux gonflables, il y avait de la nourriture gratuite, etc. Et alors, les flics, évidemment, sont passés pour les dindons qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent absolument rien là-dedans, et les narcotrafiquants font ce que font, en fait, même les groupes terroristes, ce qu'on appelle des groupes terroristes ou les groupes révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils ils quadrillent le territoire, ils prennent en charge les populations avec l'argent de la drogue, et ils font aussi ils ont aussi des activités à caractère social, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils sont tellement en phase avec la population, et la population est tellement dépendante d'eux qu'on ne peut plus vraiment séparer les trafiquants de la population. Bon, ça, c'est la technique. C'est les tactiques révolutionnaires mises au point par Trotsky et par Mao, qui sont simplement appliquées par les réseaux de narcotrafiquants. Hein. C'est pas une innovation française du tout. Mais c'est très efficace, hein, c'est très efficace, parce que du coup, le narcotrafiquant n'est pas uniquement un nuisible, c'est aussi quelqu'un qui rend des services dans le quartier où il vit. Et alors, à Nice, évidemment, c'était ce qui s'est passé, et il y avait un côté tragicomique, parce qu'il y avait des jeux gonflables pour les enfants et tout, et évidemment, on ne savait pas s'il fallait pleurer ou s'il fallait rire. Hein. Et là, les flics sont arrivés, c'était un sketch des Inconnus, hein, ils sont arrivés en masse, parce qu'ils ont été humiliés, hein, la police française a été humiliée, comme d'habitude, et ils ont voulu faire croire à, Gérard et Jacqueline, qui bossent, quoi, hein, c'est la police de Macron, vous en faites pas, tout est sous contrôle. Alors, d'ailleurs, Jacqueline aura probablement été convaincue par le reportage de BFM TV, hein, on voit le responsable local de la police en uniforme, qui dit, voilà, on fait le boulot, on interpelle, oui, bon, d'accord. Alors, le bilan de la saisie était assez maigre, parce que je n'ai vu qu'une fiole en plastique qui tient dans une main, avec un morceau de shit dedans, je crois. Bon, ça faisait léger, quoi. Évidemment, ils ont affaire à des gens rompus à ce genre de descente, donc voilà. Mais pourquoi je fais cette parenthèse ? Eh bien, c'est parce que ces élus locaux, ils ont affaire à des narcotrafiquants qui sont armés, déterminés, dangereux, qui ont dans la population, notamment chez les plus jeunes, des jeunes adolescents ou même moins de 10 ans, 12 ans, des exécutants qui ne peuvent pas être poursuivis pénalement et qui peuvent donc commettre un homicide, hein, ou sans aller jusqu'à l'homicide, qui peuvent incendier une voiture ou autre. Donc ces maires-là savent qu'ils ne peuvent pas aller à la confrontation avec les réseaux de narcotrafiquants afro-musulmans qui quadrillent des quartiers entiers dans leur ville. Donc, ils négocient. Ils négocient pour les élections et autres, etc. Donc, mais ça va parfois plus loin. Et pour Canteleu, et là on en arrive donc à cette maire socialiste, c'est que ça va plus loin. C'est-à-dire qu'ils touchent. Ils sont partie prenante du réseau. C'est ça qu'incarne Canteleu. Cette mutation-là, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui est subi et qu'on fait semblant de ne pas voir à quelque chose qu'on connaît, qu'on comprend et auquel on participe activement en tant qu'élu politique. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas une innovation de Canteleu, mais je veux dire, le fait qu'on retrouve ça maintenant dans la banlieue de Rouen, ça en dit long, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, et tu avais raison de le préciser, du coup, de voir cette mère hurler face au courrier des courageux démocrates, alors qu'elle est cul et chemise avec toute la crasse raciale, la plus criminogène, et de voir en plus la presse aller lui demander son avis, vous voyez, c'est-à-dire que on lui passe tout, en fait, tant qu'il s'agit d'attaquer l'homme blanc, quoi. Voilà, bon, ça résume à peu près le problème. Que représente cette classe politique ? Que représente bien évidemment aussi la totalité des journalistes en France. Hein. Il n'y a aucun de ces journalistes à sauver, je le dis, je le répète. Donc voilà. Donc Nogaret, je te redonne la parole, mais ça valait vraiment le coup de préciser ça. Ah oui, non, mais t'as bien fait, et je pense que tu as fait l'intégralité du travail. Je rajouterais simplement que je crois que c'était Jérôme Fourquet qui avait dit que ce maire qui était devenu emblématique pendant les émeutes raciales, Jean Brun, il s'appelait, que Jean Brun, justement, avait refusé de céder face aux trafiquants, et que c'est pour ça qu'ils lui avaient mis, ils avaient décidé de lui mettre la pression. Alors bon, bien sûr, on en a parlé de ce type qui justement aimait les gens bruns, hein, les gens marrons. Oui, les gens bruns. Oui, il a réclamé de l'argent pour eux. Hein. C'est-à-dire deux jours avant que sa maison ait crame, il avait réclamé de l'argent sur France Info pour les nègres, les bougnoules. Ouais, voilà. Non, il nous faut une ambition. Il avait dit un plan Marshall pour les banlieues. Il était ambitieux quand même. Un plan Marshall pour les banlieues. Je veux dire. Après 40 ans, avoir dilapidé, je ne sais, 110 milliards, 117 milliards, je crois, j'ai vu ça sur l'Institut de l'IFRAP. Tu rigoles, la Cour des comptes a essayé de chiffrer ça, ils se sont arrêtés aux alentours de 500 milliards de la politique. Ça dépend ce que tu comptes, parce qu'eux, ils parlaient que de la politique de la ville, au sens urbanisme et tous ces trucs-là. Donc, ils mettaient pas, il y a des tas de trucs qu'ils mettaient pas dedans. Ils parlaient uniquement de la politique de la ville stricto sensu, ou un peu élargie, mais... Il y a des tas de trucs qui ne rentraient pas là-dedans. Par exemple, l'éducation, ça ne rentrait pas dans le truc, par exemple. C'était uniquement... Ouais, donc c'est les abribus, Ouais, refaire les tours, ce genre de... Des tas de trucs comme ça, quoi. Ils ont fait un super article là-dessus, parce qu'ils disaient, en fait, en facial, quand tu vois ce qu'ils te proposent, ils disent, oui, c'est 500 millions par an, officiellement, c'est ça, le secrétariat d'État à la ville, c'est 500 millions d'euros, plus ou moins. Et ils disent, mais c'est bien gentil, mais non, la Cour des comptes a regardé, et il y a des tas, en fait, ça c'est le secrétariat d'État, mais il y a des tas de ministères qui ont la charge de mener des politiques associées. Et donc, ça passe pas officiellement dans le budget de la politique de la ville tel qu'il est déclaré, mais ça en fait complètement partie. Voilà. Donc voilà, enfin bon, on va pas non plus s'éterniser sur les chiffres, mais c'est des sommes tout à fait considérables. Donc c'est pas comme si, tu lis la presse de gauche, t'as l'impression qu'on n'a jamais mis un centime dans ces zones-là, tu sais. Et c'est du délire. Et donc ce Jean Brun, là, dont la maison s'est fait attaquer, la voiture Bélier enflammée, et dont sa femme s'est fait cartonner par les halogènes, appelait à un plan Marshall. Alors, bon, tu sais pas à quel niveau c'est censé s'arrêter, je sais pas, bientôt faudra investir... Franchement, hein, bientôt, la France va devoir investir autant que les Américains ont investi dans la guerre en Irak pendant 20 ans, quoi, tu vois. Franchement, c'est de ce niveau-là. Les Américains, ils ont claqué, je crois, quelque chose comme 3 000 milliards de dollars en Afghanistan au total. Gentiment, ça, on va s'en approcher, quoi, au bout d'un moment. Hein. Je veux dire, voilà, hein, je veux dire, pour un pays en paix, hein, officiellement. Et puis, dans les deux cas, ça ne marche pas. Hein. C'est... Il non, s'est va... annoté quand même. On va y revenir. Bah, tiens, peut-être c'est un petit peu l'occasion, peut-être, Jean, de prendre la parole sur le sujet que tu voulais aborder. Oui, alors cette semaine, j'ai eu quelques lectures que je pense intéressantes pour les auditeurs. Donc, j'ai lu une étude du docteur Porot, dont on a déjà parlé, il me semble, dans l'émission, où mes chers prédécesseurs. Oui, en fait, c'était un auditeur qui avait porté notre attention sur l'existence du docteur Porot et de ses études. Il nous avait envoyé des liens, d'ailleurs, qui avaient été mis en ligne sur le site. Et c'est comme ça qu'on l'a découvert. C'est un auditeur qui nous a envoyé un courrier des lecteurs qui nous a dit, voilà, vous devriez vous intéresser aux travaux du docteur Porot. C'est tout à fait remarquable. Ouais. Oui, alors l'objet, c'est l'impulsivité criminelle chez l'indigène algérien, ses facteurs. Donc, petite introduction, c'est que le docteur Porot fournissait au système judiciaire français qui officie en Algérie. On est en quelle année, les là, d'abord 20, les années 20-30. Ouais. Donc, l'article date de décembre 1932. Il fournissait des études psychiatriques de ce qu'ils appelaient à l'époque les indigènes algériens, donc les Arabes, les bougnoules locaux, quoi. Et ils devaient déterminer s'ils étaient en possession de leurs moyens ou non. C'est-à-dire que, comme dans le système moderne, si quelqu'un est déterminé fou délirant, on va dire, bon, bah, au lieu de mettre la personne en prison, on va la mettre dans un hôpital psychiatrique où on va lui donner des traitements, ainsi de suite. Ça va être un traitement qui va être légèrement différent. Et donc, il avait, à cette occasion, trouvé énormément de caractères spécifiques aux Algériens, que je trouve extrêmement intéressant au vu des événements qui secouent la France en permanence depuis maintenant des décennies, avec la massification du nombre d'Algériens en France. Et puis, par exemple, ce qui s'est passé récemment avec les émeutes raciales du début du mois de juillet et la mort de Nahel pour refus d'obtempérer. Donc, je propose de vous lire quelques extraits de l'étude. Je ne vais pas la lire en entier. Je vais vous lire une petite partie de l'introduction et puis des cas spécifiques tels qu'ils ont été présentés au tribunal pour juger de ces gens. Et à la fin, je vous ferai un petit parallèle avec une affaire très récente qui date de cette semaine ou la semaine dernière. Qui a l'avantage de nous montrer l'éternité des caractères raciaux, puisque là, on est effectivement à quasiment 100 ans de distance entre les faits qui sont présentés dans l'étude du docteur Porot et les affaires qu'on observe aujourd'hui dans la France contemporaine. Donc, je commence la lecture. La question de l'impulsivité criminelle chez les indigènes de l'Afrique du Nord n'est plus seulement, à l'heure actuelle, un problème médico-légal algérien. Le nombre des indigènes qui traversent la mer pour aller travailler dans la métropole ou à l'étranger a crû sans cesse jusqu'à ces derniers temps, et la chronique des tribunaux relate chaque jour le crime de ces sidis, entre guillemets donc, nouveaux venus dans la criminalité française, mais qui s'y sont vite taillés une large part. En se mêlant à notre vie européenne, l'indigène garde sa personnalité psychique et morale, ses instincts et ses réflexes, en un mot, le caractère de sa race. Bon, fin de citation. Donc, déjà, je trouve que la vertu de cet homme de nous parler de caractère de la race algérienne, est tout à fait remarquable. Donc, première affaire. Je vais simplement vous lire certaines des affaires. Il fait une analyse psychiatrique des différents cas. Moi, je vais vous parler des faits uniquement. Si vous êtes intéressé, je vous Ah renvoie à oui. son étude précisément, puisque bon, l'étude psychiatrique, même si ça reste médicale, est tout à fait accessible au commun des mortels et tout à fait intéressante. Donc, première affaire. Les noms, je précise, sont censurés, donc on n'a pas le nom complet. C'est pour ça que ça va. Je vais lire ce qui est écrit, mais je peux pas vous donner le nom complet. Le nommé Ali Ben Ham, trois petits points, travaillait au champ avec son père lorsque, à la suite d'une courte discussion, il le frappa de plusieurs coups de sa faucille, lui occasionnant des blessures profondes qui déterminèrent une mort instantanée. Puis il se remit au travail sans manifester la moindre émotion. Ce qui par-dessus tout frappe chez Ali Ben Ham, c'est son indifférence affective totale. Son crime commis, il s'est remis au travail, comme si rien ne s'était passé. Quand, à l'instruction, on lui demande s'il n'a pas honte d'avoir frappé son père, il répond « Non, c'était sa destinée. » S'il le regrette, il dit « Pourquoi pleurer ?» Cette perversion des sentiments affectifs se reflète aussi à l'égard de sa mère, qu'il chercha un jour à étrangler sans motif. Ali Ben Ham n'est pas un délirant, n'est pas un persécuté. Il ne semble pas qu'il ait été maltraité, et son père en particulier ne semblait pas avoir eu d'attitude particulièrement agressive. Ouvrez les guillemets. Mon mari, dit la mère de l'inculpé, en son langage d'une sérénité toute orientale, était doux et tranquille comme il convient à un homme de son âge. Bon, première affaire. Deuxième affaire. Donc, on s'arrête sur cette affaire-là quand même. Donc, c'est un homme qui tue de sang-froid son père pour visiblement une broutille et qui ne ressent à aucun moment le moindre sentiment de remords, de regret, de rien. C'est voilà, j'ai tué mon père. Non. Et il y a apparemment une tentative d'étranglement sur sa mère dans le passé. Et voilà, c'est le. Oui, c'est-à-dire que Bon, on peut extrapoler un peu le caractère racial violent et la gratuité de l'agression sont ressortis alors que le père n'était visiblement pas quelqu'un d'agressif et la mère, bon, on n'en sait pas grand-chose, mais elle n'avait pas l'air spécifiquement non plus agressive ni maltraitante. Et pourtant, en fait, l'Algérien, comme c'est une race un peu instable, issu d'un métissage entre des nègres et différentes populations qui ont été mélangées en Afrique du Nord, notamment à travers différents trafics d'êtres humains, ça donne des comportements absolument imprévisibles et très violents. Mais en fait, c'est un peu la trame de cette étude, c'est que la plupart des cas, c'est l'impulsivité agressive. Et en fait, bon, j'en parlerai après la lecture des faits. À mon avis, ce qui est important de souligner, c'est le contraste avec ce que nous dit la gauche en permanence vis-à-vis de ces nouveaux venus qu'on nous présente comme des petits chérubins, des poupons, des nourrissons de 17 Des ans, anges, des anges. des anges, qui ne peuvent pas faire de mal à une mouche. D'accord, donc ça c'est la Donc, première affaire, d'accord. voilà. La deuxième affaire. Le 20 septembre 1925, le nommé Youssa Ben Mohamed, j'imagine, bon, enfin c'est censuré, qui venait de travailler comme manœuvre 3 mois à Alger, regagnait son pays d'origine, Sidi Aïch. Il se trouvait dans la campagne près de Ménerville et rencontrait deux indigènes auxquels il demandait son chemin. L'un était aveugle, l'autre, un tout jeune homme, conduisait le premier par le bras. Après les avoir croisés, Youssab revenait sur ses pas, menaçant, un couteau à la main. Pendant que le jeune indigène s'enfuyait, l'inculpé s'acharnait sur l'aveugle, qu'il larguait de coups de couteau, lesquels déterminèrent une hémorragie mortelle. Il n'exprime aucun remords d'avoir tué un aveugle sans défense. Il sourit de temps en temps pendant l'interrogatoire, d'un rire qui paraîtrait cynique s'il n'était surtout niais. Mais on ne peut cependant s'empêcher de relever chez lui un parti pris de dissimulation et de réticence, qui se manifeste quand il les croit utiles. Donc, deuxième affaire, c'est un Algérien qui décide de manière aussi parfaitement gratuite de massacrer un aveugle qu'il croise sur sa route. Donc, on voit le caractère particulièrement noble de cette race qui aime à s'acharner sur des pauvres gens. Il en rigole, C'est... hein, visiblement, hein, Oui, ça oui, l'amuse, il prend pas ça au sérieux, quoi. Hein. oui. Non, non, non. Non, mais Pas, y a c'est... pas la notion de gravité, je veux dire, du geste, hein, voilà, c'est. Oui, ça choque, je trouve, particulièrement un observateur européen qui a tout de même une notion de système judiciaire, de conséquences de ces actes-là. C'est comme si ces gens étaient totalement spectateurs de leurs pulsions et que, comme il dit la précédente affaire, il dit, bon bah pourquoi pleurer, hein, de toute façon, Oui, voilà, c'est c'est maintenant fait, c'est fait. voilà, donc oui, ce sera, ouais, tout à fait remarquable, tout à fait remarquable. Et précisons qu'ils sont entre eux, hein. Là, c'est tout ce que tu nous as dit, ce sont des actes qui sont commis sur des Algériens par d'autres Algériens, hein. Tout à fait, tout à Hein? fait. Ouais. C'est ça qui est, je trouve, particulièrement intéressant parce que on nous prétend qu'il y a des origines socio-économiques, potentiellement le fait d'être mis en contact avec des blancs qui les oppressent par leur système. Là, en l'occurrence, plusieurs cas. Bon, c'est sûr que l'Algérie était colonisée, mais enfin, de ce qu'on peut en lire, en tout cas dans l'étude, ça n'avait pas l'air spécialement terrible, hein, surtout que il fait écho d'une affaire d'un Algérien, par exemple, qui s'est enrichi par ses affaires, en particulier grâce à la colonisation française. Bon, il y avait quand même un système d'élévation sociale, comme on dirait aujourd'hui, d'enrichissement personnel. Donc, vraiment, cette étude est très riche. Donc, troisième cas, et puis ce sera l'avant-dernier. Dans la soirée du 2 juin 1929, au Douar Ou, donc j'imagine, je ne sais pas où, le nommé, encore censuré, Da'a, entrait en discussion avec son père. Ce dernier venait de le fi fiancer, suivant l'usage, et lui réclamait une contribution pécuniaire aux frais du mariage. Le fils résistait, et le père aurait, à ce moment, fait mine de vouloir le prendre à la gorge. Sortant un couteau, Da'al emportait alors un violent coup dans le ventre de son père, qui succombait presque aussitôt. aucune tare mentale, aucun élément pathologique. Donc là, oui, là, c'est une dispute et il le met à mort, quoi. Voilà. C'est une dispute sur une histoire de mariage et ça se termine en sang. Voilà. Voilà, le père. Oui, d'histoire d'argent, en fait. C'est oui, que les gens comprennent. C'est pas l'histoire de marier, c'est pas le mariage arrangé, puisque c'est la norme, c'est ce qui se fait partout. Donc c'est pas que lui ne veut pas épouser la nana, c'est qu'on lui dit oui, mais il faut payer. Et là, il dit, il n'est pas d'accord sur effectivement la note. Et ça se termine dans le sang. Oui, alors c'est assez court, il n'y a pas tellement de détails, mais enfin, c'est quand même écrit « Le père aurait fait mine de vouloir le prendre à la gorge », ce qui a l'air d'être plutôt quelque chose de symbolique, dans le sens « je te montre mon autorité de père ». Et donc le fils, immédiatement, sort un couteau et bon bah il le plante dans le ventre. Aucun pareil. Et il y a une autre affaire, je ne sais pas si je la lirai, mais vas-y, on est preneur, hein. Moi, je voyage là dans le temps et dans l'espace là, donc ça me plaît beaucoup en fait. Alors, donc je lis la suivante que j'avais prévu de lire. Après, j'irai chercher la dernière, une autre affaire de pur meurtre froid. Alors celle-ci est très très bien puisque ça fait le lien avec la présence française et la cohabitation entre les Algériens et les Européens. En 1922, dans la rue principale d'une bourgade algérienne, un indigène de 37 ans, assis à la table d'un café mort, s'élançait subitement sur un groupe d'Européens et enfonçait son couteau dans le ventre de l'un d'eux. Arrêté aussitôt, il déclarait ne pas connaître sa victime, mais avoir voulu sacrifier un roumi, sachant bien qu'il serait guillotiné, mais que ce double sacrifice humain pouvait seul sauver le monde des 5 années de misère qu'il avait à subir. Cet indigène avait quitté son douar à l'âge de 17 ans pour mener une existence errante, mais orienté surtout vers les milieux religieux et maraboutiques, où pendant de nombreuses années il avait étudié le Coran et ses commentaires. Devenu taleb, il avait abandonné sa femme, puis avait changé de région, mais restant fidèle aux confréries auxquelles il était affilié. Aucun souci du travail manuel, mépris de la vie matérielle, aucun bien propre, il ne s'était cependant signalé par aucune excentricité ni aucun acte susceptible d'attirer sur lui l'attention, végétant, ignoré, dans l'ombre des marabouts, ne se complaisant que dans la lecture du Coran et de ses commentaires. Une fois cependant, étant en prière sur une montagne, il avait entendu la voix du grand marabout Sidi Yahya qui lui aurait dit « Immole-toi ». Encore est-il que cette révélation ne fut suivie d'aucune réaction. À la prison, il fit une tentative de suicide, donnant comme explication qu'ayant tué, il devait mourir. Hormis cet incident, comportement normal, ni hallucination, ni développement délirant par interprétation, pas de confusion. Donc là, c'est un cas qui met en avant en fait l'aspect religieux, parce qu'il y a de ces cas, quand il les regroupe et il les catégorise, le docteur Porot, il y a beaucoup de ces cas qui sont liés à des sortes de spiritualité, un côté un peu religieux, et visiblement, ils ont l'air assez incarnés par les djinns, les esprits, chose que... Oui, la sorcellerie, Coran... un peu, quoi, la sorcellerie. Hein. Voilà, la sorcellerie. Ça fait un peu aussi le lien avec l'affaire Lola, qui a été torturée, visiblement, sur fond de sens sorcellerie. Alors, ce sont des suspicions assez fortes, mais bon, comme maintenant le silence total a été fait sur l'affaire, je pense qu'on ne saura jamais vraiment les détails et les tenants et les aboutissants complets, mais enfin... Il y a un côté qu'il appelle religieux, mais je ne sais pas si on pourrait parler de religion. Pour ça, c'est un peu. Alors ça dépend, parce qu'il faut savoir que dans les organisations islamistes les plus dures, même djihadistes ou salafistes, bien que la magie soit formellement interdite, la magie noire est très répandue. La magie noire orientale. Ce qui est un grand secret des mais c'est antithétique avec le Coran en théorie. Ils ont oui, mais en théorie, mais en oui, mais c'est toujours la même chose. Donc il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Et ça, c'est toujours ces deux choses très différentes. Et par exemple à Molenbeek, qui est l'épicentre des attentats du Bataclan, où il y avait tout un réseau djihadiste. Il faut savoir que il y avait tout un réseau de cloisonnement, etc. Et à l'épicentre de tout ça. Les musulmans radicaux qui étaient derrière étaient des pratiquants de la magie noire. Ce que pratiquement personne ne sait. Et moi, j'ai la source de première main. Donc, ce que je vous dis là, vous ne l'avez jamais entendu, mais moi, je le sais, et d'une source tout à fait exceptionnelle. Et en fait, il y a ce qu'ils disent, il y a ce qu'ils prétendent faire, il y a ce qu'ils font. Voilà. Et ils pratiquent la magie noire. Donc, en fait, c'est un mélange, si vous voulez, de rites ancestraux, d'initiation, voilà. Alors, même si les salafistes prétendent revenir à la pureté du Coran, etc., de le débarrasser de toutes les scories alléguées par les siècles, etc., par les interprétations, bon, ça c'est bien gentil, mais en pratique, c'est pas comme ça que ça marche. En pratique, ils pratiquent effectivement la magie noire. Ce qui leur permet, en fait, de justifier des agissements particulièrement sinistres. Oui, je pense que le Coran, en fait, c'est une surcouche sur un substrat de pratiques traditionnelles et religieuses extrêmement perverses. Et en fait, le Coran, contrairement à ce qu'on nous prétend fréquemment dans les médias et en France, c'est un moindre mal pour ces gens. C'est-à-dire que c'est probablement une des meilleures versions qu'on puisse trouver de ces gens. Ceux qui pratiquent le Coran, bon, peut-être pas ceux qui posent des bombes, je sais pas d'ailleurs à quel point cette histoire de poser des bombes au nom du Coran, c'est pas une entourloupe, mais en tout cas, je pense que ce qu'il y a en dessous du Coran, c'est encore pire. C'est racial, enfin, c'est le vieux fond racial de ces populations orientales. C'est intéressant la genèse de l'islam. Hein. Faut savoir que le prophète de l'islam Mohammed lutte contre les païens arabes et ça devait pas être triste les païens arabes. Hein. Ça devait pas être triste. Hein. Ah ouais. Parce que si tu veux, il y a aucune forme d'inhibition quoi. Hein. Absolument pas quoi. Alors le Coran, comme tu le dis, en fait, essaye de juguler en partie et de canaliser ces pratiques chez les populations orientales. Alors évidemment en les tournant vers d'autres, hein, bien sûr, parce que c'est assez finement calculé. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est une tentative de contrôle c'est vraiment très très très juste ce que tu dis parce que on peut le démontrer de plusieurs façons. Par exemple, en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est quand même le pays des. Tu parlais des talibs tout à l'heure. C'est le pays des talibans. Donc c'est l'islam qui se prétend le plus un des islams les plus rigoristes. Et c'est aussi le pays où 50% des hommes sont officiellement pédophiles, avec la fameuse tradition des bachabazi. Hein. Donc des hommes, donc c'est de la pédophilie homosexuelle hein, qui est complètement endémique en Afghanistan, complètement endémique. Alors c'est quand même étonnant et en fait pas tellement étonnant. C'est-à-dire que pourquoi les femmes sont marginalisées? Alors, c'est toujours l'œuf et la poule. Hein. Est-ce que c'est parce qu'ils ont marginalisé les femmes qui sont devenues homosexuelles ou est-ce que c'est l'inverse? Là, il faut remonter au fond des âges. Mais ce n'est pas les musulmans. Parce que quand vous sortez d'Afghanistan, vous ne retrouvez pas ça, par exemple, en Turquie. Vous ne trouvez pas une pratique systématisée de la pédophilie homosexuelle comme c'est le cas en Afghanistan, en Turquie. Pour ne citer que cet exemple-là, ou en Tchétchénie, par exemple, ou en Asie centrale. Donc, c'est vraiment propre à certaines populations et à certains milieux. C'est pour donner un exemple. Hein. Alors, on pourrait dire, oui, mais s'ils voilent beaucoup les femmes, ils n'ont pas accès aux femmes facilement, donc les hommes se tournent vers les autres hommes, etc. C'est à moitié satisfaisant comme explication, parce qu'on ne sait pas, en fait, si c'est pas... peut-être même l'inverse, hein, en fait. Hein, voilà. En tout cas, la religion, c'est un peu le vernis qui permet de ne pas parler, je crois, de gros problèmes très anciens dans ces populations-là. Ouais. Et puis, à peu de frais, en plus, on peut se présenter comme étant tout à fait vertueux, quoi. Hein, je veux dire, après tout, si tu parles de la barbe... et que tu dis taliban en Afghanistan, tu peux donner l'impression d'être un bon musulman. Et puis en pratique, même pas. Hein, même pas. Je veux dire, c'est sûr que tu respectes même pas le Coran. T'es le dernier des voleurs, le dernier des violeurs. Tu vois ce que je veux dire. C'est donc, C'est voilà, c'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Bah, c'est comme les Algériens. Les Algériens, bon, ils parlent constamment d'islam, ils mettent wallah à toutes les sauces. Et quand tu les regardes se comporter, Bah, ils ont des problèmes déjà avec l'alcool, il en parle dans l'étude là, il dit que l'alcool et la faible résistance à l'alcool de ces populations ouais, est un clairement. facteur criminogène important, et d'ailleurs on a tous croisé des Algériens complètement ivres sur la voie publique qui faisaient n'importe quoi. C'est quand même monnaie courante, et on voit qu'ils savent pas se tenir, ils savent pas gérer l'alcool de manière endémique dans Ouais, puis ces en plus, eux, populations. ils aiment beaucoup consommer du whisky, par exemple, qui est un alcool puissant, je veux dire. Donc, c'est vrai que c'est des gens qui aiment beaucoup le Jack Daniel, ce genre de truc, quoi. Et c'est vraiment de l'alcool qui tape fort, quoi. Donc, sur des gens nerveusement très facilement excitables, ça fait pas que du bien, quoi. Hein. Oui, la consommation d'alcool vertueuse d'un Européen, ce sera peut-être une bière, enfin quelques bières en guise de relaxation. Mais par exemple, c'est assez mal vu de mélanger les alcools. On dit alors que les Algériens n'ont pas de problème pour couper tout un tas d'alcool fort, ou alors des vins pour accompagner un bon repas, ou un spiritueux comme on dit pour terminer le repas. Mais en fait, l'Européen sera dans la tentative de ne pas commettre d'excès, surtout à partir d'un certain âge, d'une certaine expérience. Il y aura un contrôle de soi, alors que ces gens, ces populations, en fait, sont de manière inhérente adolescentes, voire enfantines, dans l'excès total et l'absence de contrôle d'eux-mêmes. Bah oui, et puis maintenant il faut bien voir justement parce que c'est des dealers, mais ils dealent aussi dans leur vis-à-vis de leur propre population et ils font circuler des produits parce que maintenant avec tous les produits de synthèse qui circulent, qui imagine. Donc déjà, si tu veux, on n'a même pas parlé de la consanguinité dans tout ça. C'est-à-dire que tu as la consanguinité depuis des siècles dans ces populations-là. Ça c'est d'une. En Algérie, bien évidemment, mais pas que. Donc déjà, tu as des problèmes psychiatriques liés à la consanguinité, le mariage entre cousins de premier et second degré sur des siècles. Donc déjà, tu as un terreau. Là-dessus, en Europe, en France, ils sont jetés dans une société moderne où il n'y a plus de cadre traditionnel. Donc il n'y a pas la figure de l'homme, du père de famille est très diminuée. La femme a beaucoup de droits, elle peut divorcer et autres. Donc déjà, père absent. Bon, quand le père veut même s'investir, ce qui est pas fréquent forcément dans ces populations-là. Hein. Donc père absent, voilà. Donc consanguinité, père absent, et là, drogue, mais drogue dévastatrice en circulation. C'est-à-dire drogue de synthèse, amphétamine, cocaïne, crack. Je crois pas que ce soit tellement leur drogue de prédilection, mais enfin certains peuvent quand même tomber dedans. Alcool, alors que bon, c'est. C'était pas, c'était, enfin, l'islam a fait un effort enfin, a tenté de juguler partiellement la consommation d'alcool. Et là, ils arrivent et ils ont accès à tout. Et puis ensuite, les femmes. C'est-à-dire qu'il y a, voilà. Et c'est évident que les Algériens, quand ils sont en Europe, en fait, il n'y a personne pour leur dire ce qu'il faut pas faire. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. Ils sont sans aucune espèce de consigne. On leur dit rien, et les gauchistes blancs hein, ont tout démantelé, donc de toute façon, il n'y a même rien à leur enseigner. Et donc Oui, là, mais c'est et c'est d'ailleurs, catastrophique. ça contribue particulièrement à leur détestation, parce que quand on leur fixait un cadre, ils nous détestaient moins que là où on leur dit de faire comme ils veulent. Bien sûr, parce que ce sont des gens qui ont quand même donc c'est des gens qui ont une conception, enfin qui savent que l'autorité c'est l'homme. Alors dans une société féministe, c'est catastrophique. Donc, ouais, le féminisme c'est une innovation qui a moins d'un siècle hein, en Occident, mais on voit les effets catastrophiques aujourd'hui. Mais il est évident que ça les choque à plus d'un titre et ils n'arrivent pas à s'y adapter du tout. Je veux dire, ils n'arrivent même pas à, tu vois, l'homme blanc arrive, c'est dramatique, mais l'homme blanc arrive à peu près à aménager un petit, mais pas eux. D'accord, j'en fais pas le reproche parce que le féminisme va être complètement détruit, mais voilà. Et dans le cas de ce Naël-là, il faut noter, le père était pas là. Il a dit, je le connais pas, j'ai jamais vu le gamin. Mais il a dit, j'aurais aimé le connaître justement. Et ça, c'était fascinant en fait. On voit déjà l'Algérien qui se pointe en fait pour pouvoir se porter partie civile et toucher des sous. Hein. C'est ça l'histoire. Hein. Mais le mec, il découvre qu'il a un gamin quand il est décédé. Ça se voit nulle part, ça, un truc comme ça. Enfin, je dis pas que ça arrive jamais dans les familles blanches d'avoir des pères absents. Bon, faut pas me faire dire ce que je dis pas. Évidemment que ça arrive d'avoir des mauvais pères, etc. Mais faut regarder les moyennes, faut regarder les tendances, la représentativité de ce genre de cas. Et là, chez ces populations-là, les pères absents, c'est quand même fréquent, je veux dire. Ou marginalisés, c'est quand même fréquent. Et là, bah, le Naël, il est assez représentatif. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de père, il n'est pas là. Il ne s'est jamais occupé de son gosse. Donc c'est ce qu'on dit, quoi. Et le mec, il est là, il vient devant les caméras, chouiner, mon fils, il est décédé, etc. Bah ouais, non, mais d'accord, mais moi, j'ai envie de dire à ce père algérien, je dis, mais peut-être que s'il est décédé, c'est de votre faute aussi. Parce que s'il était à 17 ans en train de zoner dans une bagnole, dans une Mercedes à 70 000 euros, et que c'était un dealer de shit, ou un dealer de drogue, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait votre boulot en tant que père, non? Vous croyez pas? C'est ça qu'il faudrait leur dire. Malheureusement, dans le cadre actuel, au plan idéologique... Alors, évidemment, idéalement, il faudrait qu'ils soient dans leur bled en Algérie. Je suis d'accord, bien entendu. Mais là, ils peuvent même pas faire leur autocritique parce que le système a intérêt, j'allais dire, parce que le système ne vise que l'homme blanc et la mise en accusation de l'homme blanc en permanence... Enfin, l'homme, hein, pas la femme blanche, l'homme blanc, hétérosexuel, donc qui structurait la société en Europe. Donc, de toute façon, on va tout leur passer. Mais ça les empêche, dans ces communautés-là, de faire un travail d'introspection. Et de se dire, mais il n'y a pas quelque chose qui déconne quand même un peu chez nous aussi, là. On n'a pas un problème, là. Comment ça se fait qu'on remplit les tôles avec tout ce qu'on peut là, que tous nos quartiers sont peuplés de crapules, il n'y a pas un souci quelque part là, ça vient pas un peu de nous aussi un petit peu là. Voyez, qu'est-ce qui déconne chez nous au fond? Qu'est-ce qui déconne? Voyez, c'est ça qu'il faut leur foutre dans les dents au bout d'un moment. Mais tu peux pas parce que t'as tous les gauchistes qui arrivent, non, comme tu l'as dit, les explications sociales, etc. Enfin, tous ceux qui sont intéressés à ce que ce schéma ne soit jamais remis en question. Hein. Donc voilà, donc c'est sûr. Mais bah, le Naël en question, il correspond au modèle, quoi. Ouais, alors, j'aurais une réflexion, si tu parles, je vais finir, et après, ouais, je vous fournis quelques-unes de mes réflexions sur ce que tu viens de dire, là, et que je voulais aussi fournir à l'antenne depuis un moment. Donc, l'histoire que je t'avais promis, c'est le meurtre de sang-froid, ou ouais, l'assassinat de sang-froid, ça j'aime beaucoup aussi. Donc, le 22 novembre 1917, on trouvait étranglée sur la route une jeune femme indigène. L'enquête établit qu'il s'agissait d'une femme qui vivait depuis un certain temps avec le nommé Saïd Brabababa, parcourant avec lui les routes et les marchés en se livrant à la mendicité. L'autopsie démontra la mort survenue par strangulation et établit qu'en outre, la victime se trouvait enceinte de 6 mois. Saïd, arrêté le 7 février suivant, reconnut le crime qui lui était reproché. À l'instruction, il répondit que cette femme, ne pouvant le suivre, il l'avait étranglée dans la forêt. Saïd s'est attaché pendant 3 ans à la femme qu'il a tuée, l'a gardée tant qu'il en a tiré des services, et n'a pas hésité à la supprimer quand sa valeur instrumentaire lui a paru amoindrie, ou quand il a été frappé par son amour-propre de possesseur. Saïd, en effet examiné au point de vue mental, nous a fourni de son crime une explication différente de celle qu'il avait donnée à l'instruction. Donc, petit aparté, c'est-à-dire quand le professeur, le docteur Porot l'a interrogé, il a donné une autre version des faits que celle qu'il avait donnée à la police précédemment. Alors qu'il cheminait avec sa compagne, nous a-t-il raconté, un autre indigène l'aurait détourné et emmené pour la posséder à quelque distance dans la brousse. Sur le soir, elle serait revenue auprès de lui en ricanant et en se moquant. Comme elle avait à la main un billet de 5 francs, elle lui aurait dit d'un air narquois « Un douro vaut mieux que toi ». Or, je ne sais pas ce que c'est qu'un douro. C'est alors que, sous le coup de l'outrage, il l'aurait étranglée, mais non sous le coup de la passion aveugle. Il aurait au contraire attendu le moment où elle était penchée, épluchant des légumes, pour passer derrière elle et lui serrer autour du cou le foulard fatal. Donc, alors je trouve cette petite histoire tout à fait délicieuse, puisqu'on voit bien le caractère de l'Algérien qui se sent outré, mais qui reste impassible. Donc, il montre pas les effets en fait de l'outrage, mais il attend le moment où il va se venger, où il va passer derrière et tacle le coup de foulard ou le coup de couteau. Et alors ça, je trouve que c'est très très intéressant, puisque c'est un peu l'histoire des Français avec les Algériens depuis qu'on a on partage un bord de Méditerranée chacun. On a fréquemment des affaires comme ça avec les Algériens de coups de couteau dans le dos. Donc ça, c'était l'affaire avec préméditation. D'un point de vue purement politique, je pense que ça a un intérêt de lire la toute fin de la conclusion du docteur, puisque c'est là où je l'ai trouvé très naïf, le brave homme. Donc, en fait, il explique qu'ils ont décidé, pour la plupart des cas, ou autant que faire se peut, de conserver le principe de responsabilité des indigènes quand ils leur ont donné des peines. Et donc, il finit en disant de quelque idée directrice que l'on s'inspire, protection sociale, valeur éducative de la justice en pareil cas doit suivre son cours. Ajouterons-nous que notre rôle de nation civilisatrice donne en ce pays à la justice une portée peut-être plus grande que dans la métropole. Ne perdons pas de vue que c'est surtout par des exemples et des sanctions qu'on apprendra à ces êtres frustres et trop instinctifs que la vie humaine doit être respectée, que l'intérêt individuel a ses limites dans l'intérêt collectif. Besogne ingrate, mais nécessaire dans l'œuvre générale de civilisation à laquelle nous sommes tous appelés à collaborer. Et oui. Alors ça, je trouve que c'est symptomatique. On pourrait pas transposer l'aspect de la sévérité de la justice à aujourd'hui, mais on pourrait toujours transposer cette idée dans beaucoup de cervelles blanches ou pourries par les principes juifs. Une sorte de civiliser ces gens. Et en fait, ça m'a fait penser que on pourrait comparer les élites françaises avec les élites de pas mal de pays qui ont connu un état d'empire ou qui sont à l'état d'empire. Donc, Adolf Hitler en parle quand il parle de l'empire austro-hongrois, c'est-à-dire qu'en fait, l'empire se crée et s'étend, prospère sur la base d'une ethnie ou d'une race particulièrement prospère et de bonne qualité qui va donc étendre son principe et son pouvoir à l'extérieur d'elle-même. Et au fur et à mesure que l'empire en fait se sédimente, se cimente surtout, l'élite qui va diriger va s'appuyer de plus en plus sur les minorités externes, c'est-à-dire sur les groupes autres que le groupe originel qui a permis l'expansion initiale. Donc, sous l'Empire austro-hongrois, c'était toutes les populations slaves, hongroises, yougoslaves qu'on pouvait trouver agrégées à l'Empire en fait autrichien, alors que la population initiale qui avait permis l'expansion, c'était une population de type germanique. On peut faire le même parallèle avec les États-Unis, la population initiale, c'était une population anglo-saxonne blanche. Aujourd'hui, c'est de plus en plus un agrégat nègre, latin, enfin d'Amérique latine. Oui, c'est, oui. Et de races diverses, des Pakistanais de plus en plus, pareil en Angleterre, et fatalement pareil en France. Et en fait, si vous permettez, je pense qu'il y a un point de bascule quand on lit ces phrases dans la tête des élites françaises, c'est-à-dire que l'État n'est pas une extension de la race biologique française, ça a une visée civilisatrice, et alors là c'est perdu. On rentre dans la mentalité d'empire, de l'élite d'empire, et donc on va fatalement finir par être les dindons de la farce, donc la race originelle. Et de plus en plus, les élites vont chercher à s'appuyer sur les populations, sur l'agrégat de population qui s'est fait autour de la population originelle, qui est de plus en plus parasitée et détruite de l'intérieur, et jusqu'à l'effondrement final. Et ben, un des beaux exemples, à mon avis, c'est l'Empire romain. Même si les agrégats qui sont faits n'étaient pas forcément, d'ailleurs, c'est en partie pour ça que ça a duré aussi longtemps, n'étaient pas forcément de mauvaise qualité raciale, puisque ça venait beaucoup de populations germaniques, de populations de souches européennes. Le principe initial des populations romaines s'est progressivement estompé pour finir par disparaître complètement, et avec lui les institutions romaines. Donc voilà, c'était quelques réflexions que j'avais envie de vous fournir. J'espère qu'elles ont un intérêt. Mais Jean, je souscris à ce que tu viens de dire, d'autant que c'est une thèse que Gobineau aussi avait pu développer, le fait que souvent un peuple qui devenait dominant en s'abattardissant avec les peuples qu'il dominait finissait par chuter. C'est quelque chose donc que tu as bien développé, et que en reprenant la pensée de Adolf Hitler avec l'exemple concret de l'Autriche-Hongrie, c'est aussi une pensée qu'on retrouvait chez un penseur arabe, justement Ibn Khaldoun, qui expliquait que les élites finissaient par s'appuyer contre les sédentaires sur les nomades. Lui parlait plutôt des états de sa région, mais on voit qu'il y a cette même logique, c'est-à-dire le peuple de base, finalement, va fournir, c'est ce que j'ai essayé aussi un petit peu de développer la semaine dernière, mais le peuple de base va fournir un petit peu la base de toute la richesse. Et de ce fait, les élites, au lieu de travailler pour lui, vont finir par le voir comme un mouton qu'il faut tondre et retondre et qu'il faut empêcher de bouger. Et là-dessus, on est complètement d'accord, d'autant que je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une souplesse qui est donnée aux populations arabes, puisqu'elles permettent, enfin en France actuelle, j'entends, ça leur permet justement de jouer une population contre une autre. Et dans l'esprit des Français, oui, il se passe souvent cette chose de croire à l'universalisme humain, à croire que tout le monde est pareil, tout le monde fonctionne de la même manière, sauf que à ce que tu nous as dit en lisant le docteur Porot, montre bien que ce n'est pas le cas et qu'il faut sortir de ces représentations, qu'il faut arrêter de penser ça, et que le premier objectif de toute civilisation, ce serait d'éloigner ces éléments de la société, les éloigner individuellement pour dans certains cas, mais les éloigner en masse pour d'autres. C'est pour ça qu'on veut la réémigration, on ne veut plus d'eux, parce que ce sont ce genre de personnes, ce genre d'éléments. Mais voilà, ça, d'autant que Gandalf, enfin ça rejoint aussi ce que Gandalf a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une inadaptation, pardon, de ces populations à notre système. Déjà que nous c'est compliqué, mais nous ça a duré quand même assez longtemps. Eux on les envoie dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ce qui les fait vriller. On les dédouane en plus de ça, puisque la petite différence, c'est que avec ce que tu as dit, ce que tu as dit par contre est très vrai, mais aujourd'hui voilà, les tribunaux vont trouver des causes atténuantes, etc., à ces populations, vont tout faire pour dire ah voilà, non mais c'est pas de leur faute, pour ci, pour ça, pour la culture, pour je ne sais quoi. De ce fait, pardon, et de ce fait vont chercher pas jouer les populations les unes contre les autres, mais en tout cas à toujours s'en prendre aux mêmes populations pour cause de racisme, etc. Ce qui fait qu'on est dans un système dont on ne peut pas sortir vainqueur, en tant que blanc, hein, j'entends. On ne peut pas en sortir vainqueur, on sera toujours accusé d'une manière ou d'une autre de tous les maux, à travers le racisme systémique, à travers le racisme des populations, enfin... C'est un système dont il faut sortir. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que quand tu as lu ces affaires, bah j'avais envie de dire aux auditeurs, allez dans des tribunaux actuellement. Quand vous avez une demi-journée à perdre, vous allez dans les tribunaux et vous allez voir ce qui s'y passe, les affaires qui sont jugées, etc. C'est très très instructif. Et vous retrouverez à peu près des moments ce que Jean a pu décrire ici. Il y a justement une notion qui n'a peut-être pas que tout le monde n'a peut-être pas relevé à l'écoute, mais le docteur Porro parle de la civilisation. Et aujourd'hui, on parle des civilisations, n'est-ce pas? C'est une, y a eu une évolution dans le discours en Occident qui est tout à fait remarquable. J'observe d'ailleurs que Nicolas Sarkozy était quelqu'un qui se revendiquait de la première. Il utilisait souvent la civilisation et pas les civilisations. Il a pu dire les civilisations, etc., mais il est souvent, j'ai souvent noté que chez lui, quand il opposait la civilisation et ceux qui n'en sont pas, donc dans lequel il mettait à peu près, on va dire, les barbares. Et vous allez dire, quelle est l'importance de cette nuance? Eh bien, c'est que la civilisation a un caractère universel. La notion de civilisation au singulier a une dimension universelle. Les civilisations supposent qu'il y a des espaces culturels qui sont spécifiques, qui ne se mélangent pas, qui ne sont pas réductibles l'un à l'autre, qui ne peuvent pas s'absorber mutuellement, qui ont leurs propres valeurs et qui se maintiennent indépendamment du reste. Et ça, je crois que déjà, c'est une évolution très importante dans la compréhension de la réalité et surtout de l'évolution des mentalités. Donc dans l'ère coloniale, rappelez-vous, Jules Ferry, c'était ça, hein. Donc quand il avait dit, voilà, il y avait un devoir de civiliser les races inférieures. Alors, ça a été mal compris, son propos, parce que les gens ont cru qu'il y avait une dimension biologique chez Jules Ferry. Sous-entendu, les Noirs, les Asiatiques sont des races biologiquement inférieures, et le rôle de l'homme blanc, n'est-ce pas? Et d'aller les gouverner pour leur apporter la lumière. C'est plus compliqué que ça. La civilisation suppose que tout le monde peut accéder à la civilisation indépendamment de son origine raciale. C'est ça la conviction profonde de Jules Ferry. Et en ce sens-là, il avait une conception progressiste de l'histoire, donc de gauche, c'est-à-dire qu'il fallait répandre les lumières de la raison. Donc, on est vraiment dans l'encyclopédie française du XVIIIe siècle, la Révolution française, hein, voilà, on va répandre les lumières de la raison dans les masses qui peuvent toutes, parce qu'elles sont toutes égales, y accéder, hein. Mais il y a des peuples qui sont plus ou moins avancés pour différentes raisons historiques, et c'est une chance extraordinaire pour ces populations de se voir transmettre les lumières de la raison française. Par la colonisation. C'est ce que veut dire Jules Ferry. Donc il a une conception complètement progressiste et égalitariste, paradoxalement. Alors, évidemment, il y a une part d'hypocrisie. C'est-à-dire que, évidemment, il a des amis qui sont des gens, des gens intéressés économiquement, financièrement, à l'expansion. Il y a l'armée, il y a la compétition géopolitique, etc. Ce n'est pas uniquement les bons sentiments. Mais il y a quand même quelque chose de profondément ancré dans la gauche que représente Jules Ferry et qui est sincère. Hein, d'aller répandre les lumières de la Révolution française, entre guillemets, aux quatre coins du monde. Et on le voit comment? Bah, quand vous allez dans la campagne de l'Indochine, aujourd'hui Vietnam, Cambodge, Laos, vous allez trouver des écoles encore en fonctionnement, d'accord, qui ont été créées par les Français durant la colonisation, qui ont plus d'un siècle. Ces écoles qui ont plus d'un siècle, qui sont encore les bâtiments qui servent à éduquer les enfants là-bas, n'est-ce pas? Donc quand vous voyez ça dans les villages les plus reculés, des établissements français créés par la colonisation, hein, il y a encore les grilles d'époque, hein, vous vous dites, il y a eu un effort considérable en direction de ces populations pour essayer de les amener au même niveau que les populations de la Creuse et d'ailleurs, sous la Troisième République, de les alphabétiser, etc. C'est-à-dire que la Troisième République a fourni le même effort d'alphabétisation, sauf bien sûr limité pour des raisons budgétaires ou d'accessibilité, mais partout où c'était possible, la XIIIe République a alphabétisé de la même manière à la fin du XIXe siècle les petits Normands, les petits Bretons, les petits, comment dirais-je, les petits Ardéchois que les Vietnamiens, les Annamites, disait-on à l'époque. Ils ont créé des écoles partout pour essayer de les alphabétiser. Ça paraît surprenant, mais c'est vrai. Donc ça existe. Donc ça c'est la civilisation. Et puis il y a les civilisations. Et là on dit, et c'est antithétique avec la civilisation. C'est-à-dire que non, il n'y a pas une civilisation qui doit se répandre dans le monde. Il y a plusieurs civilisations qui ont des caractères irréductibles et qui ne peuvent pas s'assimiler les unes aux autres. Et ça, c'est un basculement qui est assez récent. Il a surtout émergé après l'effondrement du colonialisme européen. Alors, tous les colonialismes ne se valaient pas, hein. Le colonialisme français était certainement le colonialisme le plus de gauche, évidemment, à cause de la Révolution française, alors que les autres, par exemple, la colonisation britannique était une colonisation beaucoup plus utilitaire, hein. Ou alors la colonisation, par exemple, portugaise, beaucoup plus, si vous voulez, catholique, chrétienne, voilà, alors que la française était beaucoup plus, elle correspondait beaucoup plus à des idées modernes, hein. Donc, c'est intéressant cette rupture parce que, et Huntington l'a bien théorisé ça. Il a dit le fameux choc des civilisations. Beaucoup de gens n'ont pas lu le livre de Huntington. Et Huntington ne dit pas du tout dans son livre, il faut qu'il y ait un choc. Il dit le choc est inévitable. C'est pas pareil. Il dit il est inévitable parce que justement, l'empreinte du monde occidental sur le reste du monde va s'effacer inévitablement. Parce que tout est cyclique et que le grand siècle de la domination occidentale sur le monde, qui est le XXe siècle, sera balayé au XXIe siècle. Et donc, des civilisations très anciennes vont réémerger, vont chercher dans leur tradition, leur pensée, des formules pour penser justement leur action au XXIe siècle, sortie de cette glaciation coloniale et ensuite... de la guerre froide et de s'affirmer. Et là, il dit, voilà, il y a des zones qu'on peut à peu près circonscrire, qui correspondent historiquement à des zones d'influence avec des pôles de puissance dans chacune de ces zones, c'est-à-dire des États historiquement puissants. Alors évidemment, il dit, bah voilà, l'Iran, parce que c'est la Perse et que depuis 4 millénaires, c'est un État important. La Chine, évidemment aussi en Asie, c'est pour les mêmes raisons, etc., etc. Donc, et là, lui, c'est probablement Huntington, je pense, qui le pense de manière le plus claire, ce basculement de la civilisation aux civilisations, ou, pardonnez-moi, à, entre guillemets, les civilisations. Et ça peut échapper à certains. Alors, pourquoi cette longue digression? Ben, c'est ce que le professeur Porro, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il est le professeur Porro est dans cette croyance que la colonisation va durer en fait toujours. Que les Français sont là pour des siècles, qu'ils ont ces populations en charge, et que la colonisation vient avec son lot d'obligations. Et donc que ces populations doivent être amenées à la civilisation, mais que ça va être laborieux, ça va être dur, va falloir y mettre des efforts, et voilà. Et en plus, son expérience, lui, effectivement, hein, comme tu l'as bien décrit, met un peu à mal cette aspiration, parce que bon, au quotidien, il voit bien qu'il a des, il voit bien quand même qu'il a des faciès, des trucs. Puis on peut se demander aussi, est-ce que sa conclusion est sincère? Est-ce qu'elle est conditionnée parce que sans ça, on pourrait les autorités dont il dépend pourraient lui reprocher de remettre en cause le modèle colonial, n'est-ce pas? Mais pour le coup, par la droite, c'est de dire c'est pas valable, c'est pas viable, c'est pas tenable. Peut-être qu'il fait une pirouette aussi en disant voilà, et ça on peut pas le savoir évidemment, on peut pas savoir, il faudrait qu'il soit là à côté de nous et qu'il témoigne. Alors est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il y croit pas, c'est difficile à dire. Mais ce qu'il a en tout cas, il a les gens face à lui et il sait que c'est il a pratiquement des millénaires de fossés. Et comment faire de ces gens-là? Parce qu'à l'époque, l'Algérie, c'est quand même 4 départements français. C'est quand même ça. C'est quand même la France. C'est pas juste une colonie. C'est un territoire français. Comment fait-on de ces gens-là? Alors, ils avaient pas les droits à l'époque parce que ça, c'est venu en 46, en fait, les Algériens ont été reconnus comme citoyens français. Ils avaient pas les mêmes droits, mais ils ont été reconnus comme étant des citoyens français. À l'époque, c'est pas encore le cas. Donc, mais c'est des questions tout à fait centrales, et j'en termine juste, évidemment je te donne la parole, mais ce que tu as bien dit, tu as dit oui, encore aujourd'hui, même si c'est pas avec les arguments de la colonisation, il y a encore des blancs qui sont là, comment sauver les indigènes de leur propre race, comment les sauver de leur propre tropisme, de leur propre idiosyncrasie. Bah oui, c'est tout le problème, c'est-à-dire que ces gens-là, et notamment la gauche, quoi qu'elle en pense, marrant parce que c'est la même gauche qui a fait le procès du colonialisme, c'est tout à fait stupéfiant, elle est encore dans le mythe de la civilisation. Elle ne met pas de frontière à l'accès à la civilisation. Elle ne dit pas, on peut la borner ni dans le temps, ni dans l'espace, ni même entre les populations, encore moins évidemment pour des raisons génétiques. Donc, il croit qu'on peut assimiler des Algériens. Alors, ils disent pas assimiler, ils disent intégrer. Ils disent intégrer, voilà. Il ne faut pas qu'ils se débarrassent de toutes leurs caractéristiques, ils peuvent garder leur culture, ils peuvent garder, c'est très très bien, etc. Mais on peut créer un modèle de civilisation ensemble. Et comment dirais-je, c'est quand même extraordinaire de voir ces gens, donc de voir la gauche, de voir Mediapart, Libération, Le Monde, et même le reste de l'ensemble de la presse, bien sûr, mais les partis de gauche, nous dire en substance, quand on traduit, on va réussir la colonisation chez nous. L'Algérie française, on va la réussir chez nous. Alors que, paradoxalement, c'est un revirement assez intéressant, qu'est-ce que dit l'extrême droite? Enfin, le Front National croit à l'Algérie française en France, hein, donc à la France algérienne. Mais à l'extrême droite, je veux dire, quand on regarde dans les tréfonds de ce qu'on appelle l'extrême droite, ou des nationalistes, ou des gens qui sont simplement réalistes, ils disent « ça marche pas ». On pourra jamais en faire des gens comme nous. Ils sont trop différents. C'est surtout une question d'objectif qu'on fixe à notre État. Quand on se dote d'un État, je doute que les Français, quand ils constituent des institutions et des forces militaires et ainsi de suite, s'étaient dit on va aller civiliser des nègres et des bougnoules au fin fond de l'Afrique. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler dans notre camp. C'est l'idée d'une sorte de constitution biologique. Parce que vous avez la constitution politique, chère à Étienne Chouard ou à d'autres, de penser qu'on va mettre un système politico-légal qui va nous protéger des excès, qui va nous fixer des bonnes règles d'équilibre des pouvoirs, de prétendu partage des pouvoirs. Et je pense que la droite doit venir avec des idées différentes, c'est-à-dire de dire... Vous pouvez vous fixer toutes les règles que vous voulez, et d'ailleurs je pense que l'exemple des États-Unis est assez spectaculaire, puisque vous avez des hommes blancs qui se sont assis, qui ont réfléchi, qui ont créé une constitution qui se voulait équilibrée, protégeant les droits des personnes, notamment de se protéger, d'avoir une propriété privée, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, 250 ans plus tard, la quasi-totalité de ces droits sont violés en permanence. Donc ça n'a servi à rien, puisqu'il y a eu un rôle biologique de ces élites par autre chose, par une élite plutôt juive. C'est un angle mort, ça, je trouve. Alors nous, on parle beaucoup des juifs, parce que c'est quand même les grands ordinateurs, mais en France, par exemple, et je compare par exemple à l'Allemagne, il y a beaucoup de métèques dans les dirigeantes françaises. C'est-à-dire, c'est un siècle d'immigration intense, et tu peux pas savoir, enfin, tu vas quand même pas avoir le blaze généalogique de n'importe qui, de tout le monde, mais enfin, je veux dire des dirigeants. Mais quand tu creuses, tu vas découvrir que le mec, il a un quart de quelque chose d'ailleurs, ou alors deux grands-parents d'ailleurs. C'est bardel, là. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un truc. Et en fait, au bout d'un moment, tu crées une couche de métèques. C'est-à-dire que les mecs, voilà, ils sont tous d'accord sur un truc, c'est qu'on vient d'ailleurs. Voilà, on n'est pas totalement des Sarkozy, par exemple. Il a du sang français, Sarkozy. Mais il a un quart de sang juif, un quart de sang hongrois. Donc il n'est pas français à 100%. C'est pas un homme du terroir. Donc c'est pour ça que le gars, il a toujours marqué une espèce d'incompréhension. C'est ce qu'il avait dit à De Villiers en vis-à-vis. Hein. De Villiers l'avait confié, il a dit, mais parce que De Villiers lui parlait, parce que De Villiers lui racontait ses trucs habituels, quoi. Et il disait, moi je comprends pas. Quand tu me parles, enfin, il dit quand je t'écoute parler des villages, etc., des clochers, ça, c'est très très bien, mais moi ça me laisse froid. Tu vois, il avait dit en toute sincérité, il dit moi je viens d'ailleurs, je viens de Thessalonique, moi je viens d'ailleurs. Et il y en a beaucoup comme ça, et c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé. Beaucoup trop sous-estimé. Beaucoup oui, trop. Oui, en fait, je voulais dire les subalternes. Non blancs, les subalternes étrangers, en fait, à la classe initiale. Ah là, attention, je t'arrête encore, parce que t'as des gens, si tu veux, qui sont strictement parler européens. Ils vont être espagnols, ils vont être portugais, ils vont être italiens, etc. Mais les mecs, comme ils viennent d'un bled étranger, ils vont s'identifier à tous les immigrés par principe. Et t'as beaucoup d'Italiens rouges, d'Espagnols rouges, de Portugais rouges qui pensent comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent, moi je suis un immigré en France. Tu vois, là, genre en mode, Reggiani, tu vois. Du coup, je suis copain avec tous les métèques. La Moustaki, quoi, tu vois, avec ma gueule de métèque, machin. Voilà. Du coup, Mohamed, Mamadou, tous c'est mes potes, tu vois, c'est mes frères, tu vois. Mais parce qu'ils ont un peu la même gueule aussi. Parfois, c'est vrai, oui. Non, mais si ça a la même gueule, c'est propre. Certainement parce qu'il y a la même génétique derrière. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais quasi certitude. Oui, non, mais c'est pas que ça, parce que rappelle-toi Eric Tegner qui a géré le Livre Noir. Je sais pas s'il s'occupe encore de ce média. Quand il y avait eu une réaction durant la campagne élection présidentielle et quelqu'un avait dit, bon, en gros, il fallait remigrer tous les métèques. Enfin, c'était pas les métèques, c'était d'ailleurs les Arabes et les Noirs. Bon, je sais plus comment c'était arrivé sur la table, etc. Bon, mais c'est la question de la remigration. Et il s'était scandalisé, Tegner. Tegner, il est d'origine scandinave. C'est un immigré scandinave. C'est un sketch, le truc, d'ailleurs. Enfin, c'est un immigré scandinave par son père. Tegner, c'est un nom, je sais plus si c'est norvégien, je crois que c'est norvégien. Donc, il est d'origine norvégienne. Et le mec, comme il était d'origine norvégienne, il pensait qu'il était un immigré. Enfin, un immigré au sens... que la catégorie d'immigré est une catégorie universelle qui s'applique de la même manière à tout le monde et qu'un immigré d'origine norvégienne est exactement la même chose qu'un immigré d'origine algérienne. Ils sont dans la même condition, si tu veux, psychologique et sociale vis-à-vis de la France et vis-à-vis donc des autochtones. Tout à fait remarquable. Alors que c'est complètement faux. Je veux dire, au plan biologique, racial, c'est absolument faux. Mais dans sa tête, ça fonctionnait comme ça. Et il était outré qu'on puisse dire qu'on doit foutre... Qu'on doit foutre des étrangers dehors. Donc c'est quand même remarquable, quand même. Si même tu arrives à avoir ce genre de réflexe chez des Scandinaves qui ont émigré en France, et ils sont pas nombreux. Ouais, enfin, les Scandinaves ont quand même une mentalité très gauchiste, de mon expérience. C'est quand même une manière de penser qui est assez spéciale. Donc, je sais pas si on pourrait les prendre à titre d'exemple, mais en tout cas, moi, j'avais pu parler avec des Tchèques, des Russes, des blancs plutôt d'Europe de l'Est, et eux sont tous scandalisés de ce qui se passe en France et du nombre de nègres et ainsi de suite. Et même si eux-mêmes pouvaient être étrangers, soit en France, soit dans un autre pays, ils étaient tout à fait d'accord pour dire qu'ils voulaient tous les renvoyer chez eux. Ils se sentaient pas visés, en fait. Alors que les Scandinaves, bon, c'est un peu un exemple à part. Mais si tu permets, finir mon propos au sujet de l'État, je pense qu'il faut reconnaître et il faut demander que l'État défende nos intérêts biologiques. C'est-à-dire, dès qu'il met les pieds du côté du « on va aller aider d'autres populations, on va aller leur apprendre quoi que ce soit, on va les assimiler, on va les intégrer à nous-mêmes parce que nous-mêmes on est meilleurs », il faut systématiquement avoir un mouvement de recul et dire « non, ce n'est pas mon intérêt biologique ». Et ne pas reconnaître comme légitime, surtout, aujourd'hui, puisqu'on n'est pas dans la position de dicter à l'État ce qu'on veut, mais surtout de ne jamais reconnaître comme légitime un État qui défend des intérêts contraires à notre biologie. C'est encore plus que Cosmopolite, parce que Cosmopolite, c'est bon, sans rentrer dans le débat avec du terme comme ce que fait Lesquin en permanence, mais le terme de cosmopolitisme, ça pourrait plus ou moins s'appliquer en Europe si on mélangeait des Allemands avec des Néerlandais et des Français. On pourrait dire, voilà, ça c'est un système cosmopolite parce que vous avez trois nationalités. Mais d'un point de vue purement biologique, l'État, si on devait dire qu'on constitue un État, sa finalité doit être dans sa constitution même biologique et non pas politique comme ce que ça est comme ce que c'est actuellement en permanence. Et je dis ça parce que je suis tombé sur un article écrit par un Russe au début du XXe siècle qui défendait l'absence de constitution en Russie sous le tsar, en disant que c'était un mouvement de juifs et d'étrangers de vouloir à tout prix doter le système d'une constitution politique à l'image de ce que les Européens de l'Ouest ont fait. Et à mon avis, il y a quelque chose de vicié dans le fait de décrire une constitution parce que on enclenche immédiatement des systèmes légaux, des systèmes automatiques qui peuvent parfaitement être détournés contre la race qui a établi N'importe qui peut l'État les en... activer, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et n'importe qui peut, pas d'une manière ou d'une autre, se hausser dans les rangs de la classe qui dirigeante et retourner tous ses principes et toutes ses idées contre la race du peuple initial. Donc oui, je rejoins aussi tes idées sur la civilisation, évidemment. C'est pas la mienne, hein, je veux dire, mais je fais simplement observer cette nuance tout à fait considérable qui peut échapper, parce qu'on peut vite, on peut vite passer de la civilisation aux civilisations au pluriel sans même s'en rendre compte que la différence est tout à fait majeure, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je pense que la civilisation, en fait, est une j'exagère un peu, je grossis le trait. Mais est une conception gauchiste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une conception progressiste, taille unisexe pour tous les peuples de la Terre, et voilà, on va amener tout le monde vers un niveau de développement, de conscience. Non, c'est pas possible, pour les raisons que tu as énoncées très clairement. Et ça, il faut bien le répéter. Or, et c'est tout le problème de la France. Pour ça, tu dis, il faudrait que l'État, etc. En fait, il y ait une dimension biologique à l'État. Ça n'est pas possible en France parce que l'État moderne français, tel qu'on le connaît, tel qu'il a été créé par la Révolution, parce qu'il y a un changement majeur au plan de la pensée. La Révolution française a complètement changé, j'allais dire, la structuration psychologique des Français, a changé pas que leurs institutions ou leur régime, c'est vraiment leur rapport à la réalité. Et l'État est la traduction, l'État français moderne, est la traduction de cette révolution. Or, cette révolution est bâtie sur des absurdités. La plus grande d'entre elles étant l'absurdité égalitaire. Et le problème est là, c'est que ce qui se passe devant nos yeux, alors c'est des changements à la fois titanesques, parce que la Révolution française, c'est vraiment en fait, la Révolution française est une révolution métaphysique, hein. Et ce qui se passe, c'est que dans le berceau de cette révolution métaphysique, elle est en train de crever. Donc forcément, c'est une contre-révolution métaphysique qui est en train de se passer. Et comment elle se produit? Eh bien, sous l'effet de l'immigration. C'est-à-dire que c'est l'immigration de masse qui démontre que la révolution française est une absurdité, que l'égalité n'existe pas. Elle le démontre au quotidien. Je veux dire, chacun le constate, quoi, qu'il y a, c'est un, il y a, l'égalité n'existe pas. Mais c'est très difficile pour les Français de l'appréhender parce qu'ils n'ont pas les outils psychologiques pour comprendre cette réalité-là. Donc ils utilisent des mots qui sont à leur disposition, comme la civilisation, ou des trucs un peu plus récents comme la laïcité. En fait, la laïcité, c'est essayer de conjurer les barbares musulmans avec ce que la gauche appelle l'obscurantisme, etc. Mais c'est complètement inefficace. C'est complètement inefficace pour juguler le péril, évidemment. Ça ne permet pas du tout de solder la question raciale. Mais les gens utilisent des trucs comme ça. D'abord, ça leur permet de ne pas être complètement mis au ban de la société, parce que quand on parle de laïcité, bon, bah, c'est dans la Constitution, on passe pas pour un affreux. Quand on dit la civilisation, bon, c'est un truc vague, ouais, grosso modo, c'est pas se comporter comme un sauvage, voilà. Je pourrais continuer comme ça longtemps, quoi. Mais en fait, ils n'ont pas l'outillage. L'outillage, qui c'est qui l'a apporté? Ben, je suis désolé, c'est la vraie contre-révolution national-socialiste portée par Adolf Hitler. C'est eux qui ont fait le procès de 1789, qui ont enterré 1789, qui l'ont mis en pratique et qui ont bâti un État ayant enterré 1789, qui était donc l'État national-socialiste de 1933. Voilà. Bon, alors évidemment, quand vous dites ça aux gens, ils commencent un petit peu à loucher. Bon, mais n'empêche que c'est vrai. Donc, ce qui est très drôle, c'est que cette révolution française va se casser la gueule complètement, dans un désastre, à mon avis, complètement absolu, comme on a vécu là, au mois de juillet, là, avec les émeutes raciales partout, les convulsions raciales, c'est cette déliquescence généralisée, le bordel complet, avec les flics contre les juges, là, comme vous voyez, à Marseille, c'est-à-dire dans cette déliquescence, toutes ces institutions qui s'entre-dévorent vraiment dans le pourrissement, vous voyez, oui, mais au bout d'un moment, la dissolution va aller à son terme, et il faudra autre chose. Et les réalités qu'ont pointé du doigt les nationaux-socialistes vont émerger, et les gens vont le voir. Parce qu'il y a les discours, il y a la théorie, puis il y a la pratique, et rien ne vaut la pratique. Donc moi, je peux rester discourir comme ça pendant des années, tant que les gens ne le vivent pas eux-mêmes à la première personne, ça reste des discours. Mais quand ils voient eux-mêmes, ils expérimentent eux-mêmes, là, ils disent « Ah d'accord, ok, je commence à appréhender ce dont il est question. La question raciale, je commence à la saisir, je commence à réaliser que ce n'est pas simplement un slogan, c'est quelque chose de pratique. Voilà, quand je sors dans la rue, je creuse des faciès patibulaires qui me dévisagent parce que je suis un visage pâle. » Ouais, je commence à comprendre l'hostilité inhérente à ces populations. Je comprends que je ne peux pas vivre avec elles, en tout cas pas en sécurité dans le même périmètre. Ah, donc ça voudrait dire qu'il faudrait un périmètre homogène, oui. Mais pour avoir un périmètre homogène, il faut un État homogène. Exactement. Voilà, bon, on appelle ça un État national-socialiste. Ah, merde. Vous voyez, alors dire, oui, mais avant, il y a eu d'autres États qui étaient homogènes. Oui, d'accord, mais ce n'était pas conscient, c'était simplement l'évolution historique. Mais le Royaume de France était homogène racialement, mais il n'a pas voulu être homogène racialement par choix. La France est restée homogène racialement et ça s'est fait comme ça. Donc vous devez faire un effort conscient pour parvenir à un résultat. Voilà. Et ça c'est le travail qu'on fournit, ce que tu dis avec l'affaire, avec le professeur Porot, les cas qu'il donne, confrontés donc à la réalité raciale là-bas et maintenant chez nous ici. C'est ce qu'on fait. Maintenant, il faut faire ce saut de conscience et ensuite il faut appeler à des solutions. Alors, le problème, évidemment, c'est que compte tenu de la catastrophe raciale en France, on ne peut pas avoir comme ça, comme en Allemagne en 1933, une option politique, on transforme l'État et on a une nouvelle société. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, on a une guerre raciale avec une balkanisation. Donc, c'est beaucoup plus chaotique. Malheureusement, mais c'est vrai. Voilà. Mais d'ailleurs, Gandalf, si je peux ajouter rapidement, c'est que on voit justement cette évolution, enfin je trouve qu'on voit cette évolution sur un point qui est que les gauchistes, la plupart du temps, quand des gens classiques, soit de droite, soit des gens encore normaux, vont gueuler par rapport à un événement actuel impliquant un noir, un arabe ou que sais-je, ils vont tout de suite essayer de les titiller sur « Ah oui, mais pourquoi vous voulez les renvoyer ? Qui vous voulez renvoyer ?» pour leur faire dire qu'ils sont racistes, pour leur dire « Ah mais vous voyez, vous êtes raciste !» Il faut leur dire « Oui, je suis raciste, c'est évident que je suis raciste !» Exactement, et c'est ce que je vois de positif là-dedans, c'est qu'à force de titiller les gens là-dedans, il y en a qui vont finir, et ça commence déjà, qui vont finir par l'avouer concrètement en disant oui je le suis parce que je veux sauvegarder ce qui reste de mon peuple, etc. Et eux vont être de plus en plus désemparés en se disant ah oui mais ils vont sortir leur phrase habituelle, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et là on leur dira oui mais le problème c'est ça, c'est-à-dire que c'était efficace, d'abord ça marchait beaucoup avec les boomers parce qu'il faut voir que c'est cette génération de fous qui nous a mis dans la situation présente. Et c'est la génération des antifas par excellence. Donc c'est tout le mythe. C'est eux qui portent à bout de bras l'antifascisme et l'amour des nègres. Hein, c'est les boomers. Donc toute cette société dégénérée, c'est eux. Mais on a les résultats maintenant. Donc les boomers vont crever, et toi tu vas garder les nègres. Alors, ayant la mystique de la résistance, la mystique antifasciste, la mystique anti-hitlérienne, ça va pas durer. Par contre, ce qui va durer, c'est la présence des nègres. Donc, tu vas avoir un renversement. Les gens vont, au bout d'un moment, c'est quand je parle de pratique, c'est ça. Les gens vont être sont en contact et vont être de plus en plus en contact avec des races hostiles. Et au bout d'un moment, ils vont être obligés de penser la race. Vous voyez ? Donc, on va sortir de 1789, c'est inévitable, mais ce n'est pas des changements qui se font en deux jours. Mais on va sortir de 1789 et de 1945. C'est inévitable. Et ça, il faut le mettre en mouvement. Faut pas simplement le dire, il faut le mettre en mouvement. C'est pour ça aussi que on appelle à tracter, à diffuser la svastika partout, parce que ça met concrètement, simplement et symboliquement entre les mains du peuple cette mutation métaphysique en cours. C'est un truc très simple, c'est à la fois très trivial et en même temps assez profond, n'est-ce pas? Et voilà. Ça les terrorise vraiment de voir que le sortilège risque de se rompre et que la confusion risque de s'estomper. Parce que tout ceci, comme tu l'as dit, ça s'est basé sur des absurdités et c'est surtout basé sur de la confusion entretenue en permanence dans les esprits, que de bonnes campagnes de propagande pourraient effectivement, et ils le savent, et c'est pour ça qu'ils en ont peur, pourrait briser. Et donc en effet, le travail commence par le tractage. Le tractage, enfin, de toute façon, la propagande, mais il faut aller au-delà des propos lénifiants, mais même de Zemmour, je veux dire. Bon, Zemmour, c'est pas possible pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que c'est pas un métèque juif algérien qui a la clé de la survie de l'homme arien. Revenons aux choses élémentaires. Et c'est pas non plus... les propos politiciens démocrateux du RN. On parle de grands moments historiques. On ne parle pas de gagner une élection. On parle de grands moments historiques. Il s'agit de sauver la civilisation, européenne, arienne, même euro-arienne en Europe. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre des résultats des élections européennes, de savoir que la mère Le Pen va collecter X pour... On s'en fout complètement, c'est sans intérêt, son programme politique n'est pas racial, il ne peut pas l'être parce que s'il y avait une connotation raciale, il serait interdit, ce qui est un aveu en creux d'ailleurs que c'est là que ça se passe, donc en fait on peut raconter n'importe quoi sur n'importe quel sujet, des platitudes, le système s'en fout complètement, et dès qu'on s'approche un peu trop de la race, on est menacé d'interdiction. Donc laissons ces gens tripatouiller dans leurs élections, mais allons à l'essentiel, c'est-à-dire dans le cœur des masses, dans le cœur des esprits, travaillons les esprits, allons vers les hommes blancs et activons dans leur psyché profonde, donc leur psyché millénaire, les leviers qui vont les faire se réveiller. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça compte, parce que les résultats que vous obtenez sont des résultats multigénérationnels. Vous voyez ? Ou si vous convainquez quelqu'un de voter RN, ça va pas changer la face du monde. Si vous convainquez quelqu'un d'être raciste, ça va changer beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Donc c'est alors raciste étant compris dans le sens positif du terme, c'est-à-dire parce qu'il y a le sens négatif étant ce qu'on entend par racisme quand on lit de la presse de gauche diffamante. Mais le racisme positif, c'est le vrai racisme, c'est le racisme d'affirmation qui cherche à cultiver les réflexes de vie dans les populations blanches. C'est ça le racisme positif. D'accord ? Et en plus, de toute façon, nous sommes agressés. Ce n'est pas nous qui agressons les autres, c'est eux qui viennent nous agresser dans notre continent. Le racisme, c'est une extension du phénomène de légitime défense. C'est tout. C'est quand, autant quand sa personne est agressée, on a une légitime défense. Quand notre famille est agressée, on a une légitime défense. Bah, c'est pareil quand notre groupe racial est agressé, une tentative de destruction, quelle qu'elle soit, c'est une légitime défense. Et en fait, quand vous entendez quelqu'un dire racisme ou vous accuser de xénophobie, ce genre de choses, c'est en fait du suprémacisme juif. Parce que ça permet, le seul intérêt que ça a, c'est que ça permet aux juifs de diriger la société, de déterminer qui est quoi, qui est gentil, qui est méchant. Donc il faut toujours entendre tu es raciste égale je suis suprémaciste juif quand quelqu'un vous dit ça. Oui, absolument. Et puis en plus, je veux dire, il parle, enfin, regardez les discussions quotidiennes, ça ne parle que de racisme. Et bizarrement, il n'y a pas de parti raciste. Il n'y a pas de mouvement raciste. c'est pas parce que la gauche dit que le RN machin que ça l'est. Donc la question c'est où est ce fantôme dont tout le monde nous parle? Tout le monde tourne autour, tout le monde en parle sur tous les sujets. Le racisme et la race, bizarrement, où est ce démon qu'on ne voit pas? Tu vois? Et moi ce que je dis c'est il est temps de le matérialiser ce démon. Ce qu'il considère comme un démon. Il faut que finalement ce fameux monsieur mystère dont tout le monde parle s'incarne. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut lui donner une matérialité. Ils en parlent tout le temps. Donc autant qu'il se matérialise. Ils parlent de nazis tout le temps. Mais on n'en voit pas. Il faut qu'il se matérialise au bout d'un moment, puisque tout le monde en parle. C'est qu'il est là. Mais on le voit pas. Alors il faut qu'il sorte de l'ombre. Voilà, c'est ça, moi je dis qu'il faut. Voilà, parce qu'en réalité, le débat va pas changer. Écoutez, il hurle au nazisme depuis tout le temps. Mais surtout, là, ça s'intensifie. Mais comme je le dis, il n'y a pas d'organisation raciste au sens strict aujourd'hui active sur le territoire français ou allemand ou dans les autres pays européens. Mais paradoxalement, ils en parlent tout le temps. Donc on voit bien que c'est le sujet, que c'est la question centrale, qu'ils attendent avec angoisse le moment où il va se manifester. Et moi, je dis qu'il faut répondre à cette attente angoissée. Oui, effectivement, il faut enfin répondre à leurs sollicitations et dire voilà, vous avez appelé de vos voeux la matérialisation des nazis, ben allez voilà, ils arrivent, ils sont là, ils approchent. Les nationaux socialistes arrivent, ils sont là, ils distribuent le tract au coin de chez vous. Voilà, les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont hurler au nazisme? Mais ça fait 50 ans qu'ils le font déjà, donc qu'est-ce que ça va changer? Ils vont quoi? Ils vont faire de la propagande sur l'Holocauste? Mais ça fait 70 ans qu'ils en font. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent de plus que ce qu'ils font? Quand vous allumez Arte, La 5, France 2, la radio publique, vous ouvrez les bouquins dans les écoles, ils ne parlent que des nazis, de l'Holocauste. Enfin, pas que de ça, mais je veux dire, c'est constamment les rappels à l'ordre, la vigilance. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'ils qu'ils fassent de plus, quoi? Ils vont quand même pas diffuser, comment dirais-je, Shoah tous les soirs sur France 2. Je veux dire, même au bout d'un moment, ça marchera plus, quoi. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est que bon. Puisqu'ils ont l'air visiblement d'attendre la manifestation, bah que cette manifestation ait lieu, c'est ce que je veux dire.